Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast qui pose les vraies questions. Je suis Grushkov et je serai accompagné de tout mon magnifique crew aujourd'hui. Tuki, Matt, Ximnut, Adrien et Funeli. Quand on l'a fait en live, ils étaient là pour me répondre. Malheureusement, on a perdu le début grâce à Twitch. Du coup, je refais le début. Et du coup, on s'était retrouvé en live pour aborder le sujet de la volonté de la force. Quelle est-elle ? Quels sont ces réseaux ? C'est une question qu'on se pose depuis longtemps. Mais la saga des Skywalker étant à nouveau terminée depuis décembre, on s'est dit que la réponse serait peut-être plus simple à trouver. Et d'ailleurs, j'ai eu l'idée de faire cet épisode en écoutant le podcast anglophone What the Force. L'un des épisodes récents de ce podcast est en fait une interview donnée par Charles Soule, auteur des comics Vader, Seigneur Noir des Sith, The Rise of Kylo Ren, et du roman à paraître Light of the Jedi, le premier roman de la Haute République. Et pendant cette interview, à un moment... Marie-Claire de What the Force et Charles parlent de la destinée des héros de Star Wars, et il a fait une remarque assez pertinente concernant le fait que effectivement tous les héros de Star Wars sont morts après avoir servi leur but donné par la Force, et que Rey mourrait sûrement avant son heure elle aussi d'ailleurs. Vous verrez plus tard que c'est tout à fait vrai. Et ça tombait bien parce que au même moment on se faisait l'intégrale de Rebels avec Tuki, et c'est là que je vous fais, je vous préviens qu'on va spoiler tous les trucs de Star Wars dont on va parler. Donc voilà, il faut connaître un peu les trucs ou s'en fiche un petit peu des spoilers, mais voilà. Donc 3, 2, 1, spoilers. On en est arrivé à la fameuse mort de Kanan, et le traitement de cette mort, plus que ce qu'avait dit Charles encore, m'ont donné l'impression qu'en réalité la Force serait limite intrinsèquement cruelle, et que ceux qui la servent étaient destinés à souffrir, voire directement mourir, afin d'accomplir sa volonté. Et du coup, c'était de ce postulat de départ que nous sommes partis, et j'avais plein d'autres exemples. Oh oui. Un petit garçon. Alors, qui s'appelle Anakin. Grushkov. Oui. Est-ce que je peux te couper 4 secondes à la toute fin du conducteur? J'ai écrit quelques trucs sur, même avant Anakin, hein, même la naissance d'Anakin, à propos de Shmi. Parce que la Force, faut pas oublier quand même qu'elle a foutu une meuf enceinte alors qu'elle a jamais rien demandé à personne. Ok, elle a été manipulée par Palpatine et tout ça, mais n'empêche que la Force fout enceinte une esclave qui n'a aucune thune, et qui doit du coup après s'occuper de son enfant. Déjà rien que ça, c'est assez cruel. Ouais, mais et puis franchement, enfin je sais pas, mais genre si c'est supposé être genre les personnes qui veulent ramener l'équilibre, c'est un peu con de pas le mettre dans des bonnes conditions, tu vois. Alors, genre déjà t'es même pas sûr qu'il arrive à passer 10 ans, tu vois. Ouais, mais ils savent que s'ils le font naître dans une famille riche, il va être forcément de droite, donc il peut pas ramener la paix, l'équilibre, tout ça. Elle finit fasciste, bien joué la Force. Hein. C'est cool. Ils se sont dit, on va parier sur un pot, manque de bol. Ça n'a pas marché. Chez Bourdieu. Et justement, ça va directement avec ce que j'avais noté pour Anakin, qui justement est né, et il est né esclave. Donc déjà, ça commence super bien. Très, très vite... il utilise la Force sans s'en rendre compte, un peu comme tous les enfants qui utilisent la Force quand ils s'occupent de nettoyer des écuries, par exemple. Bonsoir, Cowboy Étoile. Il est repéré en fait par un Jedi, hein, du nom de Qui-Gon Jinn. Et c'est très rigolo parce que le gars, il arrive et dit « Ah oui, ce petit-là, il a la Force. » Et puis, il est très très fort. Il a beaucoup de zizi-chloriens. Donc, déjà, super. Donc, oh oui. Il avait rien demandé à personne, le petit. Hein. Le gars, il l'utilise dans des paris. Le petit qui est déjà esclave à la base. Hein. Et le pire, c'est que c'est en jouant à Star Wars Racers tout à l'heure avec Tuki, on s'est rappelé d'un truc qu'on avait déjà soulevé il y a longtemps, c'est que Anakin, s'il n'y avait pas eu les Jedi, eh ben, il aurait pu devenir pilote de course, faire sa vie tranquille, racheter sa liberté et celle de sa mère. Ils auraient pu faire tout ce qu'il fallait, mais non, parce que suite à sa course qu'il avait réussi pour les Jedi, donc même pas pour lui-même, et ben il est en fait devenu la propriété des Jedi. Hein. Le gars, il arrive, il fait « Ouais, le petit, il est à moi, allez hop, c'est bon, on y va. » Et tout ça parce que la Force avait un plan pour lui. En fin de compte, c'est Bulba, en sabotant son pod, bah, il voulait lui sauver la vie, quoi. J'essaye de te sauver en te tuant. En fait, c'est Dobby, c'est Bulba. Dobby, s'il était pas sympa. Il a essayé de le sauver lui-même. Il a une vision, il savait dans quelle merde il allait se mettre, il a essayé de le sauver lui-même. De lui-même. Ce qui est génial en plus, c'est que du coup, qu'est-ce que c'était que cette destinée ? Ben, sa destinée... J'ai quelques images hein, pour les gens qui nous regardent. Bon, c'est de tomber amoureux alors qu'il est censé pas avoir le droit. Et du coup, ça a créé du conflit chez lui. Et du coup, ça le mène, en fait... un petit peu à la destruction de tout ce qu'il connaissait, de devoir se battre avec ses amis, de voir tous les gens qu'il aimait mourir, en fait. Voire même les tuer lui-même, hein, comme Obi-Wan. Il y a même des trucs qui sont gratuits, hein, genre le fait que sa mère se fasse tuer par les Tusken, juste c'est gratos, tu vois. Ouais. Et ça aurait pu ne pas arriver si... s'il avait juste été puissant dans la Force et qu'il avait pu faire sa petite carrière de NASCAR, là, tranquille. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Et là, c'est que le début. Hein. Je veux dire, après, qu'est-ce qui lui arrive ? Il crame et ben, il est obligé de passer toute sa vie à souffrir vraiment jusqu'au bout, quoi. Et puis en plus, bonjour le plan, quoi. C'est genre, hey, gamin, t'es l'élu qui va sauver la galaxie, hein, pas de pression. Et puis il arrive devant tous ces vieux mecs qui foutent rien dans leur siège. Et puis les mecs, ils sont là, on te déteste. Ah bon, bonjour. C'est complètement ouf. Et oui, d'ailleurs, j'ai oublié de prendre un screen de ça, mais... dans le thème des gens qui ont vu les gens qu'ils aimaient mourir à cause de leur devoir de Jedi et trucs comme ça, bah il y avait Obi-Wan et Satine dans Clone Wars. Donc voilà, on reste dans la même période. Même Obi-Wan qui n'est pas un Skywalker, eh ben il se fait bah non, il a même pas le droit d'aimer des gens parce que ben sinon ces gens-là ils meurent. Ouais, la Force elle a dit stop le zizi et puis ouais, c'est trop ça. Ouais, c'est ça pas, en fait. C'est pas ouf pour lui. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, tout ça, c'était horrible, mais au moins, à la fin de l'épisode 6, il accomplissait sa destinée, et même s'il n'avait pas connu ses enfants pouvaient aller... Aussi, il a connu Luke. Ouais, il l'a connu... Ah, ça, c'est quand même une belle destinée de merde, hein. Tu m'excuseras. Ah bah ouais, c'était nul à chier. Mais ce qui est génial, c'est que récemment, on a appris que c'était pas vraiment... Enfin, voilà quoi. Palpatine qui revient dans l'épisode 9, donc ce qui veut dire qu'Anakin, il a vécu toute sa vie de merde, là, pour rien. Il a rien branlé. Mais le pire, c'est qu'ils disent oui, il est vraiment mort et tout. Mais genre, oui, il est vraiment mort. Mais alors pourquoi il revient dans le même corps ? Alors je veux dire, ah oui, non, mais moi, c'est... si j'étais mort, je reviendrais dans un beau gosse. Hein, si je pouvais. Je reviendrais pas dans Palpatine. Ouais, mais c'est ça. En plus, il s'est rongé les ongles pendant 30 ans, là. C'est horrible. Horrible. Et du coup, oui, ça a rendu sa destinée caduque. Et revenir en tant que Matt Smith est absolument... ça a rendu toutes ses souffrances inutiles. Parce qu'au final, ça n'a servi à rien. Et heureusement, il y avait ses enfants qui ont pu passer le flambeau. Hein, ses enfants qui, eux aussi, ont eu une super vie. Alors, on va pas trop parler de Luke parce qu'au final, c'est celui qui s'en tire le mieux. Enfin, je trouve. Je sais pas vous, mais moi je trouve c'est que le seul qui a droit à la retraite. Ouais, en même temps, j'ai envie de dire, ils s'en tirent le mieux, c'est parce que genre il a pas vraiment, enfin il a pas beaucoup d'attache au final. Genre, enfin on le voit pas vraiment s'attacher à 36 000 personnes, tu vois. Il se coupe même de sa sœur, de sa famille, enfin. C'est un peu ton oncle, tu sais, un peu alcoolique, mais qui vit dans son coin du village tout seul, tu vois. Qui est vraiment là aux fêtes de famille et encore, et qui part à 15h avant tout le monde en fait. Bah à la fin, c'est, ouais, c'est vivant et revivant caché quoi. Et, Ouais, c'est ça. Ben, pour moi, Luc. Bon, vas-y. Mais je voulais juste dire qu'au final, c'est quand même un énorme constat d'échec toute sa vie aussi à lui quoi. Enfin... Oui, c'est ça. Mais il a pas autant souffert que d'autres de sa famille. Mais il a peut-être pour moi, je suis d'accord à ce moment donné, mais il a échoué pour Ben, il a échoué pour. Ben, ouais, pour Ray, hein. Palpatine pour Ray aussi. Enfin voilà. Enfin, en tout cas, la fin de sa vie, c'est un énorme échec. Pas les 10 dernières minutes en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, heureusement, à la fin, il est. Enfin, on va dire que il s'en sort bien à la fin. Luc, attendez, je retrouve plus l'image. Elle est là. Parce que voilà quoi. Il épouse sa sœur. Il épouse sa sœur dans l'au-delà. C'est-à-dire, il s'en sort vraiment bien, lui. C'est le seul qui a une fin heureuse en fait. On n'est pas vraiment frères et sœurs. On n'a pas été élevés par la même famille. Voilà, en fait, c'était juste pour le plaisir de montrer aux gens qui sont en live cette magnifique image. Ça me fait toujours plaisir. Justement, je vous ai dit dans le chat qu'il ressemble à Renault. Là, on ne voit pas, il part après plus loin, mais il chante coronavirus, connard de virus. Et du coup, dans la famille Skywalker, Anakin, donc, il avait eu une vie de merde. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Et c'était 200% la faute de la Force. Et 100% aussi la faute des Jedi. Hein. mais du coup, Anakin, il avait eu deux enfants. On a parlé un peu de Luke là, dont la vie est un échec total. Et il y avait aussi Leia. Alors Leia, c'est vraiment particulier parce que ceux qui suivent le podcast, ils savent que pour moi, s'il y avait un truc qui devait arriver à la fin, c'était que Leia devait avoir enfin une fin heureuse parce que ils ont, malgré tout ce qui s'était passé dans sa vie avant, à la fin de l'épisode 6, c'était bon, c'était réglé, tout allait bien. Et en fait, ils l'ont fait revenir dans l'épisode 7, séparé de son mari, avec son fils du côté obscur. J'étais, ah ouais, c'est couillu. Mais du coup, ce sera tellement bien quand il y aura le payoff à la fin et qu'elle sera enfin réunie avec toute sa famille. C'est-à-dire que, comme je disais, ce qui est un des détails de l'épisode 9 qui sont excellents et qui est un des trucs qui m'ont donné envie de faire cet épisode, c'est que Leia meurt dans l'épisode 9 pour faire un truc qui aurait pu arriver sans elle normalement, hein, c'est pour empêcher Ben de tuer Rey, alors que ça n'a jamais vraiment été son but. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui fait qu'elle meurt à ce moment-là, mais son corps reste. Il reste jusqu'à ce qu'elle puisse sentir en fait son fils mourir, et là, son corps disparaît. Ce qui veut dire que ça implique qu'elle a senti la mort de son fils, et c'est là qu'elle s'est dit, ah, c'est bien, super. Oui, bien sûr, c'est ce que tout parent aimerait, sentir ses enfants mourir. Il y a que quand mes enfants seront morts que je serai en paix. Je vais pouvoir rejoindre mon frère. C'est horrible. Et ça m'a fait penser, justement, dans l'épisode 6, où Luke lui demande si elle a connu sa vraie mère. Et puis elle lui dit oui, elle était très triste, voilà. Ce qui veut dire qu'elle l'a senti, en fait, sa mère, via la Force, au moment où elle était en train de mourir. Donc littéralement, la vie de Leia commence en sentant la mort de sa mère et finit en sentant la mort de son fils. Parfait. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une volonté de la force ? Est-ce que, parce que c'est toujours le problème, là, on parle d'un film. Est-ce qu'on peut vraiment attribuer ça à la force ou est-ce qu'on attribue ça à de la mauvaise écriture ? C'est aussi le problème de parler d'un truc film. Moi, j'essaye de parler que de ce qui se passe, du coup, en disant que tout est canon et tout... Tu sais, la mort de l'auteur. Et puis, comme on te présente le truc comme si c'était genre une prophétie et tout, c'est lié à la force. Oui, techniquement, tout ça, en fait, c'est lié justement à la prophétie de l'épisode 1 des Skywalker qui devait détruire les Sith, en fait. Ouais, mais j'ai des trucs à dire là-dessus aussi, mais ça, on attendra la fin des films. tu es sûr que Leia meurt protégeant Rey ou elle ne meurt pas juste... Et c'est pas sa mort qui déclenche l'inattention de Kylo à ce moment-là et qu'il fait se faire tuer. C'est ce qui arrive. Techniquement, elle essayait de le tenir, mais c'est très confus. Normalement, oui, mais je vais pas me retaper cette merde. Elle l'appelle à distance et l'effort qu'elle fait à travers la force pour réussir à se faire entendre à l'autre bout de la galaxie auprès de son fils, ça l'a tué. Mmh. Ouais. D'accord, c'est ça qui l'a fait. Ouais, elle a plus de batterie, quoi. C'est ça. pas très bon réseau, quoi. Ouais. Mais c'est pareil pour Ben à la fin. Enfin. La mère sans le fils mourir, mais le fils sans la mère mourir en même temps. C'est formidable. Non, parce que Luke, c'est la faute de la 5G. Je pense que si Luke avait voulu rester, il aurait pu, mais il a fait le choix de partir. Il a senti que ça l'appelait, et du coup, il est parti en paix. Mais c'est le seul qui a choisi. Tous les autres sont morts avant leur heure. Lui, il s'est senti, il fait, ok, c'est bon, N'oublions pas quand si je me trompe pas. Pour rebondir sur ce que disait Tuki juste avant, il me semble, si je ne me trompe pas, dans l'épisode 4, il me semble que Ben disparaît avant le coup du sabre de Vador. Il est aussi appelé quelque part, lui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il se laisse appeler, quoi. Enfin, oui, il se téléporte, je sais pas, dans la force. En fait, il est jamais mort. Il se cachait juste derrière un pilier. Il nous a fait une Luke. En fait, on ne sait pas, mais il est encore à Mostré. Et boire des coups. Et d'ailleurs, j'ai parlé du début de sa vie et de la fin de sa vie. N'oublions pas qu'entre-temps, toute sa planète a été détruite. Devant ses yeux. Alors en plus, l'épisode 4, il est tellement fucked up au niveau des émotions et tout. C'est vraiment pas le plus réussi par rapport à ce genre de choses-là. On voit plus Luke qui chouine par rapport à Obi-Wan Kenobi que par rapport à sa propre famille qui se fait cramer et Leia qui a toute sa famille qui se fait détruire. Simplement, je veux dire, si on reprend aussi, même en dehors des films, mais cette période-là, on a quand même une ado qui se retrouve mêlée à la guerre, simplement. Enfin, même si elle a un statut particulier, elle n'est pas au front, elle voit des gens clamser quand même toute la journée. Quoi, enfin. Tout le temps, hein. Ouais, c'est ça. Elle a sa meilleure année. C'est pas spécialement lié à elle, parce que c'est plus un truc global dans tout Star Wars au final. Ouais, mais justement, en fait, une des raisons pour lesquelles, pour moi, elle devait survivre, alors, déjà parce que Carrie Fisher était morte et je trouvais ça impensable de la tuer sur l'écran, mais ça, justement, c'est comme on disait par rapport aux erreurs de scénario, ça, on va faire abstraction de ça. Mais surtout, elle a passé sa vie à se battre contre l'Empire, puis après contre le Premier Ordre. Et elle est morte avant la fin. Ouais. Donc, c'est encore plus moche. Elle a passé un échec aussi quelque part. Elle vaut même pas sa victoire, quoi. Oui, c'est ça. Elle n'a pas pu profiter de la victoire de l'Empire parce que on sait très bien ce qui s'est passé. C'était la merde dans la Nouvelle République. Du coup, elle a jamais eu de temps pour passer avec son fils. Son fils, il avait les pouvoirs de la Force. Ils s'en sont débarrassés parce que ils n'arrivaient pas à s'en occuper. Anne qui s'est barrée. En plus, elle a eu. Anne, il savait pas quoi faire, il faisait n'importe quoi. Elle a eu la répercussion de la destinée d'Anakin en plus, parce que elle l'a jamais connue. sauf quand il l'a torturé. Ensuite, une fois qu'il est mort, elle peut même pas faire sa vie tranquille parce que tout le monde l'accuse d'être la fille de son père. Oui, parce que à partir de Bloodlines, effectivement, elle prend cher, elle perd tout son statut aussi. Oh là là, t'es la fille d'un monstre, tu dois être un monstre aussi. C'est ça. Et voilà. Quelle vie de merde. Elle a vécu dans la guerre tout le temps. Elle est née dans la guerre, elle est morte dans la guerre. Voilà. Ouais, pour moi, vraiment, les deux personnages dans les films qui ont la pire vie, étonnamment, pour moi, c'est les deux qui sont les meilleurs, en fait. Parce que elle a. En fait, c'est les deux qui ont sacrifié toute leur vie pour les autres. Leia qui a fait ça, on sait comment elle était. Et il y en a un autre. Est-ce que j'avais mis d'autres gens avant ? Non, il y en a un autre. Voilà. C'était le fils, le dernier Skywalker. Parce que Rey, c'est une Palpatine, désolé. Mais c'est vraiment horrible en vrai. Je pense que c'est surtout parce que je personnellement je sais ce que c'est d'avoir des problèmes avec ses parents et tout, mais c'est tragique pas que pour lui sa vie, c'est tragique pour ses parents, c'est tragique pour Rey, c'est tragique pour toutes les personnes qui en avaient quelque chose à faire, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant là, avec Ben Solo, quand il est né, depuis sa naissance en fait, depuis avant sa naissance, Leia sentait une présence et quelqu'un qui essayait de s'emparer de l'enfant qui était dans son ventre. Et donc en fait toute sa vie a été il a été hanté par Snoke / Palpatine, à tel point que Luke a failli le tuer dans son sommeil alors qu'il n'avait jamais rien fait. N'oublions pas, parce que ça c'est quelque chose que beaucoup de gens disent, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais mais il a tué son père, il méritait de mourir, machin truc et tout. N'oubliez pas que canoniquement il est passé du côté obscur parce que Luke a essayé de le tuer, enfin avait allumé son sabre laser parce qu'il allait pas le faire alors qu'il n'avait jamais rien fait en prévention. Alors moi je trouvais ça cool dans TLJ parce que ça apportait du drama et puis c'était cool de voir que Luke était capable de se tromper et de faire des erreurs. C'était bien. Puis il y a eu l'épisode 9. Et du coup, ça a fait que Luke est responsable de la mort de Kylo, de Ben. Et de Leia, parce que Leia... Et de Leia, du coup. Et de Leia. Et c'est le seul qui a le droit à une mort... Choisie. Qu'il a choisi lui-même. Pendant qu'en fait... et ça, c'est pas vraiment... Si l'épisode 9 était bien fait, il n'y aurait pas eu de souci. Parce que s'il n'était pas mort, ça aurait juste été des épreuves, machin truc, tout ça. Enfin, ça n'aurait pas été aussi grave. Là, le gars, il en est mort. Mais alors, c'est pire que ça, parce que il en est mort deux fois. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand Leia l'appelle ? Quand Leia l'appelle, il se fait tuer par Rey. Et d'ailleurs, ça, va falloir qu'on en reparle aussi, parce qu'il y a un truc qui marche pas. Il se fait tuer par Rey, qu'il transperce de part en part. Et comme il vient de sentir sa mère partir, il se laisse mourir. Il avait vraiment plus de raison de vivre. Heureusement, justement, donc, Rey le soigne. Et quand elle le soigne, non seulement ça lui guérit ce qu'elle vient de lui faire, mais en plus elle lui guérit la blessure sur son visage qu'elle lui a infligée elle-même. et qui symbolisait en fait autre chose, qui symbolisait ce moment-là, le moment où il avait tué son père et que son père lui avait posé la main sur le visage. Ah, c'est Star Wars, hein, c'est la... comme on disait avant, c'est du symbolisme au pied de biche. Hein, il avait la cicatrice pile poil là où il y avait eu la main de son père. Et en fait, ce moment-là, c'était censé être la mort de ses erreurs, la mort de son péché. La mort de Kylo Ren. C'était la mort de Kylo Ren. Pas celle de Ben. Et d'ailleurs, dans une des bonnes scènes de l'épisode 9, on a un miroir de cette scène-là, avec toujours Anne qui lui repose la main là, parce que ben, ça voulait dire la même chose les deux fois. Ça veut dire un grand truc à sauver du film. Hein, c'est... Ouais. Et encore, ils auraient pu faire mieux au niveau de leur dialogue, mais bon, c'est pas grave. mais symboliquement, tout était là. Il se fait tuer. Il se fait guérir, et en fait, c'est la mort plus renaissance. C'est littéral. Sauf que... on sait tous comment ça finit. À la fin, il remeurt. Mais j'aimerais bien revoir, en fait... reparler justement de pourquoi il meurt. Pourquoi il meurt ? Ben, parce que... parce que, justement, Rey... Alors... Rey, c'est n'importe quoi, hein, sa vie. Surtout maintenant que c'est censé être une Palpatine. Mais Rey, à la fin, elle utilise le pouvoir bien connu de Star Wars, l'amour, non. L'espoir, non. Les deux sabres laser. Le meilleur pouvoir de Star Wars. La bagarre. Le pouvoir de la grosse baston. elle fait ça, et qu'est-ce qui en résulte ? Et en résulte que ah, eh ben, elle est morte. Donc, Charles Soule avait raison. Elle est bien morte après avoir accompli sa destinée. Voilà. Encore une fois, hein, c'est la force. Elle veut la balance et elle en a rien à foutre de ce qu'il y a dans son chemin. C'est horrible. Donc, Rey meurt. Mais heureusement, Rey n'était pas toute seule, parce que elle avait une dyade. Alors ça, c'est un truc très bizarre, parce que tu te dis, ouais, il y a une dyade, super, le pouvoir comme la vie, machin bidule et tout, ils sont liés et tout, donc c'est pas possible qu'il meure, surtout qu'il est déjà mort symboliquement, et il est revenu à la vie. Peut-être définir dyade, peut-être pour les gens qui connaissent moins ces questions-là. En fait, c'est comme si c'était une personne, mais dans deux personnes différentes. C'est censé être des gens liés dans la force et faire chacun la moitié d'un être complet. Voilà. Okay. C'est comme ça qu'il l'exprime un peu, et du coup, ça rend le truc encore mieux. Et surtout, tu te dirais, le Palpatine, comme il est là dans ce film-là, il représente clairement la mort. Hein, symboliquement, et tu te dis ouais, bah, qu'est-ce qui pourrait détruire la mort et qui pourrait être un super message pour les enfants et ceux qui regardent le film, et qui pourrait résumer parfaitement la saga qui commençait par un film qu'ils appelaient A New Hope, un nouvel espoir, et tu te dis bah, l'amour, ou la vie, puisque la dyade est censée représenter la vie avec Adam et Ève, hein, si on parle là-dessus. Un pouvoir comme la vie elle-même. Voilà. Donc on aurait pu se dire qu'au moment où la mort essaye d'absorber la vie de la vie elle-même, ben, la mort est détruite. Ouais. Sauf que la mort ne peut pas contenir la vie. Sauf que, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors non seulement ça lui rend la vie, mais en plus ça lui fait un make-over. En fait, la dyade, c'est Queer Eye. Il a changé de vêtements et tout, il a refait ses ongles et tout. Parfait. En fait, la chose qui aurait dû le tuer, ça le rend plus fort et ça les sépare. Ça les sépare parce que il tombe dans les pommes et Ben se fait jeter dans un trou parce que la force parce est cruelle. Parce que pour le coup, les scénaristes étaient cruels. Oui, mais voilà, on a dit qu'on parlait pas de ça. Mais du coup, c'est toujours la force qui a fait en sorte que ça se passe comme et ça. Du coup, tout l'aspect dyade qui ne sert à rien, parce que du coup, la dyade, c'était censé être un truc positif, au final, elle sert à rendre les pouvoirs à un vieux connard. Et au final, il n'y a qu'une partie de la dyade qui triomphe, puis qui meurt, et puis l'autre, elle sert à raviver l'autre, puis à mourir après. Enfin, Ouais, et ça globalement, j'ai l'impression que c'est genre, ouais, la force, elle cherche l'équilibre et tout. Sauf qu'en fait, à chaque fois, enfin, il n'y a rien d'équilibré entre ce qu'a le côté lumineux et le côté obscur. Il n'y a juste rien d'équilibré. Genre, côté obscur, t'as deux pélos, ils ont tous les pouvoirs de la galaxie, et le côté lumineux, ils sont rectes tout le temps, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais les deux pélos qui ont tous les pouvoirs, ils finissent par se faire buter à la fin. Parce que... Oui, mais au prix de la vie des gentils. Oui, parce que ça. En fait, voilà, moi j'avais dit que j'avais deux trois trucs à dire là-dessus ce que j'avais personnellement pensé. Alors bon, ben déjà, hein, franchement, super, je veux dire, exposé vachement approfondi, Grushkov. Hein, j'ai même pas encore fini. Ah bah ouais. En fait, je me demande. Finalement, ouais, je vais peut-être te laisser finir. Non, parce que j'ai plus grand chose à dire justement. Donc on a dit que Rey était morte, machin truc. Sauf que il y en a un qui a survécu, il remonte, il la sauve de sa mort, comme elle l'a sauvé de sa mort avant. Sauf que quand Rey l'a fait, ça allait bien. Quand lui, il le fait, bon, bah déjà, il a déjà droit à un peu de bénéfices. c'est death with benefits. le truc, c'est que voilà. C'est ça... Un truc qui m'énerve, c'est que quand Rey le tue, parce que la blessure qu'elle lui fait, c'est une blessure mortelle. Qui-Gon est mort de ça. Exactement. Qui-Gon, il est mort de ça. On sait que c'est mortel comme blessure. Maul aussi. Mais quand elle le... Quand elle le guérit, tout va bien. Et quand lui, il la guérit, il meurt. Alors... Moi, je pense vraiment, pour le coup, là, c'est parce que lui, il n'était pas encore mort. Elle, elle était vraiment morte et enterrée depuis 20 secondes, tu vois. Je veux dire, pourquoi, du coup, elle avait rien du tout ? Bah, le truc, c'est qu'en fait, à mon avis, enfin, dans ma tête, je me dis ça pour que le film paraisse un peu mieux à mes yeux, c'est que vraiment, lui, il a atteint ce qu'aucune personne n'arrivera jamais, je vous l'espère, à atteindre dans Star Wars, ressusciter quelqu'un, tu vois. C'est autre chose que soigner quelqu'un, tu vois. Là, c'est vraiment ressusciter, c'est ce qui est un acte incroyable. Donc, à mon avis... Pour tous les problèmes du film, il a réussi à faire ce qu'Anakin voulait faire à la base, et en utilisant le côté lumineux. Et tout ça, c'est vraiment, s'il n'était pas mort, ce serait super. Mais il meurt. Et il aurait pas dû mourir, parce que qu'est-ce qu'on a établi dans l'univers de Star Wars d'ailleurs, c'est que les fantômes de force, ils atteignent un pouvoir comme tu pourrais jamais t'imaginer. Et si au lieu d'aider Rey à tuer Palpatine, ce qui est pas du tout, les gars ils sont là genre ah oui, tuer les gens machin truc et tout, c'est pas le truc des Jedi, du coup dans le film ils aident Rey à tuer Palpatine. Alors que tout ce qu'ils auraient pu faire, ça aurait été d'aider et de donner leur force de fantôme, voire, tu sais, genre utiliser en fait leur état de fantôme de force pour l'aider lui à se maintenir en vie et pendant qu'il l'a ressuscité elle, et du coup avoir Anakin qui participe à ça et du coup avoir une vraie boucle. Parce que Anakin aurait sauvé la vie de quelqu'un de sa famille, ou quelqu'un qui était aimé par quelqu'un de sa famille, en étant du côté lumineux, tout en retirant pas le fait que c'est le personnage lui-même qui l'avait fait, qui avait fait le choix. Imagine le symbolisme si t'as Palpatine, il a essayé de buter tous les Skywalker, et à la fin, t'as tous les Skywalker qui ressuscitent la Palpatine. Ouais. Enfin, techniquement, c'est presque ce qui arrive, parce que il y a littéralement tous les Skywalker, c'est Ben. à ce moment-là. Il y avait un truc dans cette scène-là, quand Ben trouve Rey morte, il y a quelqu'un qui avait pointé ça sur Twitter, et je trouvais ça affreux, mais tellement bien dans le sujet, c'est que quand il la prend dans ses bras, il regarde partout autour de lui pour voir s'il n'y a pas quelqu'un pour l'aider, et il y a quelqu'un qui disait, c'est à ce moment-là où il comprend que ce que la force veut, c'est que lui, il meurt pour la faire vivre, elle. C'est exactement là que je voulais en venir. Comme on dit, comme je dis depuis tout à l'heure, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire Ximnut, c'est la volonté de la force, la volonté qu'elle avait pour toute la lignée des Skywalker, la raison pour laquelle ils existent, c'était pas pour qu'ils détruisent les Sith, c'était pour qu'ils ressuscitent Rey à la fin. Et surtout, il y a un truc qui complètement... Je comprends pas l'intérêt de ce truc-là dans le 9 et pourquoi ils l'ont écrit comme ça, mais et pour le coup, ça nous sert bien parce que ça montre encore plus que la force est cruelle au final. Oui, c'est ça. Parce que Leia était enceinte de Ben, elle a commencé à faire joujou avec son frère, à s'entraîner au sabre laser, ce qui d'ailleurs n'était pas canon à la base, elle n'avait jamais voulu faire ça, mais bon, le 9 s'est dit, on fait ce qu'on veut. Bref. Elle commence à s'entraîner et là, la force lui fait savoir que si elle continue à s'entraîner et qu'elle veut devenir une Jedi, son fils va mourir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que son fils mourrait à elle ? Mais oui ! Mais du coup, Luke, c'est encore plus un bâtard parce que c'est lui qui raconte ça à Rey. Et qu'est-ce qu'il dit après ? Il dit « Il faut que tu finisses l'entraînement de Jedi de Leia ». Oui. Donc, non seulement c'est de sa faute si Ben est passé du côté obscur... Mais c'est faute, littéralement de sa faute s'il est mort. Oui, si elle avait pas pris le sabre de Leia, ça se trouve, Ben ne serait pas mort. Finalement, j'étais en colère contre la force, mais connard. Peut-être que Luke, c'est le plus gros connard qui ait jamais existé dans l'univers de Star Wars. Horrible. Mais oui, parce que du mais coup... Mais c'est pas de leur faute. Du coup, alors le truc tout pété, genre, ah bah Rey, t'as pris le sabre laser de Leia, tu vas finir son entraînement, du coup ça va faire tuer la moitié de ton être. Genre, ça va tuer l'homme que t'aimes, l'homme qui est la moitié de toi. Voilà. Ok. Non seulement pourquoi il envoie tout le monde vers leur tombe, mais en plus, genre, il choisit quand lui il part, tu vois. Genre, allez, c'est hop, c'est bon. Alors, il y a Ika qui dit que la force n'est pas cruelle et que sa volonté ne tient probablement pas d'un système de valeurs tel que la cruauté. Oui, mais pas comme oui, elle a été écrite. Malheureusement, elle l'est malgré, en fait. En fait, le. Oui. Bah, moi, j'ai un truc, ça rejoint un peu ce que je voulais dire, justement, là. C'est pour ça, le truc que je voulais te dire avant de te laisser finir. Ok, vas-y. Ouais. Donc, parce que moi, je savais parfaitement que t'allais vraiment fouiller tout cet aspect, justement, notamment des personnages des derniers films. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien de faire la même chose. Et ce que je me suis dit, c'est que je vais aller voir, en fait, ce qu'ils disent. Parce que finalement, le problème de il y a quelque chose de supérieur à nous et pourtant il y a du mal, c'est un problème que, on se pose même dans la vie réelle, je veux dire, avec la religion. Donc en fait, ce que je suis allé voir, c'est qu'est-ce que dit les grandes religions, voilà, sur cette question du pourquoi et du mal. Et parce que finalement, la force, c'est un autre. On voit très bien que c'est quand même vachement influencé par des questions religieuses qu'on a dans les grandes religions que les gens se posent depuis bientôt 2000 ans. Et un truc que j'ai retrouvé qui était assez constant dans les gens qui se posaient cette question, c'était finalement le problème de l'échelle. C'est-à-dire que je vais parler de ce que j'ai vu dans le contexte de la force. Ce que ça voudrait dire, c'est que la force est cruelle à l'échelle individuelle. Elle va utiliser des gens et les balancer, s'en débarrasser dès qu'on n'en a plus besoin. Mais elle le fait pour obtenir un bénéfice pour le plus grand nombre et surtout pour elle a en tête quelque part un plan que, à l'échelle individuelle, on n'est pas capable de comprendre. Ce qui fait que ça aboutit à des décisions qui n'ont pas de sens pour les personnages individuels, pour leur histoire, pour des situations qui, dans lesquelles ils se retrouvent, qui sont complètement injustes. Du coup, au final, être forceux, c'est un peu comme une malédiction, parce que ça veut dire que tu vas fatalement être un pion de ça, en fait. Au final, si tu veux vivre ta vie heureux, faut pas être un forceux, quoi. Ouais, moi, j'en avais parlé déjà il y a longtemps avec Rushkoff. C'était l'équilibre de la force, tu peux la retrouver facilement dans Star Wars avec les différentes morts des personnes. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a plus de gens du côté du bien ou de gens du côté du mal, ça se rééquilibre en tuant des gens, etc. Jusqu'à ce qu'à chaque fois, t'aies le même nombre d'utilisateurs du côté lumineux et d'utilisateurs du côté obscur. Et à chaque fois qu'il y en a un de plus d'un côté, boum, il meurt, et ainsi de suite. Et à la fin, techniquement, à la fin du 9, normalement, la dernière personne qui reste, c'est Rey. Et du coup, on pourrait se dire, ouais, mais alors du coup, il n'y a pas d'équilibre à ce niveau-là parce que Rey, elle est du côté lumineux. Sauf si, théorie, la force considère que comme elle vient d'une lignée littéralement du côté obscur, Palpatine qui est vraiment l'incarnation du côté obscur, et que elle, c'est sa descendante, est-ce que du coup le fait qu'elle soit sauvée par le côté lumineux fait pas d'elle un être neutre? Et du coup, c'est pour ça aussi qu'elle a le sabre jaune et pas un sabre bleu ou rouge, du coup pas un sabre connoté d'un des côtés, mais un sabre neutre. Techniquement, les sabres jaunes, c'était les sabres des gardes du temple des Jedi, donc c'est vrai, mais pas dans les films lumineux. mais c'est pour ça que c'était bien en fait d'avoir la dyade et d'avoir c'est pour ça en fait que beaucoup de monde dont nous pensait que Reylo c'était un truc vraiment important. Parce que c'était un mec du côté obscur et une personne du côté lumineux qui auraient été ensemble. Et c'était ça, la balle. Ouais, c'est littéralement l'équilibre, ouais, c'est ça. Ah, ouais, les deux côtés qui se rejoignent au lieu de se battre. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que le team-up, à la fin, il était inévitable. Ouais. Vraiment, c'était inévitable. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est fait virer... Trevorrow, parce que lui, il avait vraiment fait en sorte que Kylo, il aille full dark side et tout. Et aussi cool que ça aurait été de le voir buter plein de gens et tout, ça n'avait aucun sens mythologiquement au sein de Star Wars. C'était inévitable, leur team-up. Ce qui était pas inévitable, c'était qu'il meurt. Il aurait pu et il aurait dû survivre parce que justement, ça... En fait, c'est comme si c'était rien passé. La galaxie, elle est revenue en fait à l'état de l'épisode 1, c'est juste qu'il y a moins de Jedi. Bah ouais, en plus il y a pas que justement, Rey, y a le gamin des écuries d'ailleurs, j'y avais pas pensé, mais il y a le gamin des écuries et il y a Finn. Donc il y a trois personnes du côté potentiellement lumineux et plus personne du côté obscur, donc il y a un déséquilibre. Je pense que ce qu'il fallait faire avec ce film là, c'était justement mettre fin aux utilisateurs en fait de la Force. Vraiment enterrer des sabres laser à la fin, c'était une bonne idée, mais pas comme ça et pas pour ces raisons là et pas avec un nouveau qui ressort après. Ouais. Ça aurait dû être en fait ce qui pose problème au niveau de la balance de la force, c'est les gens qui utilisent la force, et alors que justement on devrait la laisser nous guider machin truc. Et c'est pour ça que même si je trouve que Finn le fait qu'il ait la force, en fait, dans le film, il l'utilise juste pour justifier toutes les décisions qu'il va prendre, en fait. Parce que, tu vois, Finn, il n'a plus le droit, en fait, d'avoir sa propre... Comment on dit agency en français, je sais plus. Agency. Il n'a plus le droit d'avoir sa propre volonté, en fait. Tout ce qu'il a fait... Son libre arbitre ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Ils l'ont retiré. Mais en même temps... Je pense que il vaut mieux des êtres comme lui qui se laissent guider que des gens qui utilisent la force comme une arme, que ce soit pour attaquer, mais aussi pour défendre, et que l'équilibre devrait se faire par lui-même. Parce que logiquement, en fait, si tu utilises la force pour faire le bien, tu crées un déséquilibre qui est plus du côté... La balance penche plus du côté du bien ou du lumineux, peu importe. Mais du coup, c'est un déséquilibre. Oui. Donc, il faut que quelque chose d'obscur arrive ou de mal arrive pour rééquilibrer. Et du coup, si tu l'utilises pour faire le bien, tu vas forcément créer du mal. Et vice-versa. C'est ce que dit Snoke. Finalement, ce serait mieux. Oui, non, oui. C'est intéressant. Ça, j'avais pas pensé à ça, c'est intéressant. Snoke, d'ailleurs, il a tout compris parce que. Et d'ailleurs, dans la novélisation de The Last Jedi. C'est pour film ou celui-là. Dans la novélisation du dernier Jedi, on voit beaucoup l'analyse. On voit beaucoup l'analyse de Snoke du point de vue de la Force. Et le gars, il a vraiment compris le fonctionnement de la Force et il sait très bien ce que ça fait. Et c'est pour ça que dans le film, il dit à Kylo, je savais que plus tu serais puissant du côté obscur, plus il y aurait quelqu'un du côté lumineux pour venir être ton égal. Et c'est exactement ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'utilisateur de la Force parce que c'est ça qui crée le déséquilibre. Peut-être qu'il faut pas y avoir autant de chaque côté. Enfin, c'est une balance, simplement. Quoi. C'est... Ouais. Soit c'est plein d'utilisateurs obscur et ils se mettent sur la gueule parce que comme ça, soit aucun de chaque côté. Quoi. Mm-hmm. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, enfin, à choisir entre en avoir plein de chaque côté qui se foutent sur la gueule et du coup en permanence des guerres et des morts à cause de ça et en avoir aucun, vaut mieux en avoir aucun, tu vois. Enfin, c'est peut-être ça, ouais. Peut-être qu'elle veut pas, la force veut pas de force organisée parce que bon, il y aura toujours des utilisateurs de la force vu qu'elle est présente. Bah, non, justement. Bah. Tu peux ressentir la force, l'utiliser comme un instinct, mais l'utiliser comme un pouvoir, c'est ça qui crée le déséquilibre. C'est la recherche de sa maîtrise et tout. C'est, ça. C'est l'utiliser la manipuler. C'est le fait qu'il y a un ordre qui est consacré à son utilisation. Je viens de penser à un truc. On a quand même des Jedi, à un moment donné, qui veulent que la prophétie puisse s'accomplir pour rétablir l'équilibre. On a une époque où il y a deux Sith et des milliers de Jedi dans toute la galaxie, avec un ordre établi justement, un temple et compagnie. Ils sont pas un peu, enfin, c'est un peu con les mecs. Oui, parce que pour eux, l'équilibre, c'est tout le monde va bien. La branche sur laquelle ils sont, les gars. Ouais, mais ils sont tellement persuadés de faire le bien partout, les mecs, que on va rétablir l'équilibre. Il y a deux mecs en face. Attention, hein, c'est ça joue. Et d'ailleurs, c'est pas faire, ça joue pas juste. Tu sais, karma, parce que les mecs, ils sont en force, ils sont majoritaires, ils sont etc. Et puis ils se disent, ah tiens, on va chercher un pauvre petit garçon, on va l'entraîner pour devenir le meilleur d'entre nous, en lui foutant une pression de ouf. Et hop, le garçon, en fait, il va de l'autre côté et il crée votre propre destruction. Oups. Mais du coup, dans l'idée, si on respecte uniquement la vision de Lucas, on oublie le canon actuel et même l'ancien, lorsque l'Ordre 66 a lieu, il reste deux Jedi en vie. Il reste Yoda, il reste Obi-Wan, et en face on a Sidious et Anakin. Hop, c'est bon, c'est l'équilibre. Mais oui, il y a Ahsoka. Ben oui. Ahsoka. Moi j'ai dit, on compte pas le. Ah oui, bah, vous faites chier là. Je parle uniquement des films, de la vision de Lucas au niveau des films. Lorsque l'Ordre 66 a lieu, il rétablit l'équilibre. Ouais, parce que tu peux dire qu'il y a Ahsoka et tout, mais bon, il y a aussi Maul et tout le bordel aussi. Donc, Oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre tant qu'il y a des utilisateurs actifs de la Force, tu vois. Parce que même si les Jedi se disaient, bon, bah, pour l'instant, on fait profil bas, etc., de l'autre côté, Palpatoche, il utilisait la Force de façon active, tu vois, pour faire ses merdes. Donc, il y avait ce déséquilibre de ce côté-là. C'est pour ça qu'à la fin, il se fait renverser. Donc, en fait. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la force, en fait, elle fait pas grand-chose. C'est juste que s'il y a quelqu'un qui commence à s'exciter avec la force, elle dit stop le zizi. Et voilà, elle ramène le truc au centre. C'est incroyable comment c'est vraiment un concept de connard. Plus on parle et plus ça me vénère. La force. La mais non, mais moi, justement, ce que j'ai l'impression, c'est que. Ultime. La force, elle a pas grand chose à faire. C'est l'utilisation que les gens en font derrière qui amène la souffrance, le chaos, la force en elle-même. Parce que moi, personnellement, c'est vrai que en faisant mes recherches, j'avais eu deux théories. La première, c'était celle que j'avais expliquée au début, c'était le plan à une échelle supérieure qu'on peut pas comprendre. Ouais. Et la deuxième, c'était que la force, en fait, elle a pas de volonté propre. Et qu'on a juste une bande d'illuminés qui voit des messages et du symbole partout, qui essaient de justifier leur propre désir Est-ce que c'est nous les illuminés? Non. Je trouve ça très drôle parce qu'on est quand même en train de théoriser à fond sur des trucs écrits par 15 ou 20 mecs en tout. Bah ouais. Qui sont tous la direction qui les branchait. Mais c'est... Ouais, mais finalement, il y a, il y a sûrement des pièces, du puzzle qui vont s'emboîter. En fait, oui. Ils essayent tout de même de respecter un certain, voilà, une certaine manière de voir la force qui a été. Inscrite au début. Et cette manière de voir la force, c'est qu'elle avait une certaine volonté. Mais je me demandais si c'était pas des gens qui essaient juste de justifier leur propre désir. J'aime beaucoup Qui-Gon, mais tout son délire, justement, de prophétie, finalement. Ouais. Est-ce que c'est vraiment... Il y a lui qui en parle, il y a le conseil qui en parle un peu, qui dit « tu crois que c'est vraiment ça ?» Mais est-ce qu'on est vraiment certain que la force a vraiment prononcé une prophétie? Moi, je me demande Attends, je te laisse finir, pardon. T'inquiète. Je me demande si c'est pas comme la religion de la vraie vie, où on a des gens qui ont un certain attrait pour le pouvoir ou pour une destinée qu'ils se créent eux-mêmes, et ils essaient de la justifier avec un pouvoir supérieur. Oui. Ouais, mais sauf que l'arc Mortis récemment, je crois que ça en parle peut-être, non? Comment? L'arc Mortis de Clone Wars, si quelqu'un l'a vu récemment. Chez eux aussi, c'est rigolo parce que. Ouais, il y a toujours des petits détails qui pourraient contredire ça. Il y en a deux qui sont obligés de mourir. c'est compliqué. Mais, ouais, encore une fois, l'équilibre. Ouais, et. Ça n'a rien à voir, mais je pensais juste au truc que tu disais avec Ximnut, et il faudrait faire le tweet, tu sais, the movie villain et the actual villain, et puis c'est Palpatine et Qui-Gon. Parce que quand même, ça a quand même un peu un air de croisade, tout ce qui dit, voilà, on va utiliser cette prophétie pour prouver qu'on est les meilleurs, ça a quand même un côté extrémiste religieux. On parlerait comme ça entre eux. C'est eux qui utilisent ça pour se donner un genre. Auprès du reste des Jedi peut-être, mais le conseil en lui-même, est-ce qu'ils parleraient comme ça? Est-ce qu'ils seraient là en train de se monter la tête eux-mêmes alors que c'est eux qui ont mis ça sur éventuellement un piédestal en se disant ça va nous faire un prétexte? Moi, ça m'étonnerait pas. C'est un truc qui s'est vu dans l'histoire. Oui, voilà, il y avait les Pity dans la vraie vie, il y avait ce genre de truc. C'était des gens qui faisaient des annonces et les mecs, ça les faisait flipper. Oh là là, le site vont nous détruire. Et puis du coup, ils se montaient la tête et c'était pas forcément conscient qu'ils interprétaient le truc pour. Enfin, qu'ils magnifiaient un truc qui. Est-ce qu'on a une source dans un canon quelconque de qui a émis cette prophétie? Je crois pas. Alors, si je dis pas de bêtises. Elle était trouvée sur Archive of Our Own. Parce que voilà, c'est vrai que c'est un peu chiant comme lecture parce que ça amène à relire un tas d'éléments d'une manière qui sont un peu moins magiques. Genre, je sais pas, moi, les fantômes de force, bah, je sais pas, ça devient des hallucinations parce que, je sais pas, genre, Luke, il est en train de crever sur Hoth, alors il a une hallucination, il voit un mec qui lui dit quoi faire. Donc voilà. Par hasard, il lui dit un truc vrai. Pardon. Et comme par hasard, il lui dit un truc vrai. Non, je pense que les fantômes de force sont réels. Ouais. Oui. Non, mais je sais pas s'ils sont réels ou non, mais dans cette lecture où en fait la force a pas de volonté et c'est juste des mecs qui se montent la tête eux-mêmes, ça désacralise un pas mal de trucs. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais pas avoir de volonté, ça veut pas dire pas avoir un certain pouvoir et une certaine magie, tu vois. Bah, que la force te file des pouvoirs ou te donne des possibilités, ça je veux bien, mais qu'elle ait une volonté derrière, je me disais, si ça se trouve, en fait, non. Si ça se trouve, c'est juste, comme ils disent, c'est une énergie qui est présente et qui lit les choses entre elles, mais voilà, ça veut pas forcément dire qu'elle dirige les choses. Peut-être qu'elle est juste là et que les gens ils lui font dire ce qu'ils veulent lui faire dire, tu vois. Oui, oui. Ouais. Parce que de toute façon, dans The Last Jedi, il explique Luke ce que c'est la force. Il dit que la force, c'est vraiment juste un équilibre entre la vie, la mort, la violence, la paix, etc. Et c'est les gens qui l'utilisent n'importe comment et qui font de la merde. Mais c'est vraiment ça, en fait, qui m'a fait penser à cette théorie. C'est qu'en fait, tout ce qu'on dit de la force, on le dit à travers des gens qui le disent. La force ne dit rien du tout. parce que voilà, il y a, alors évidemment il y a peut-être le passage avec Mortis, et encore si ça se trouve c'est juste des mecs, trois gars qui sont sur leur planète et qui se sont convaincus eux-mêmes qu'ils sont des incarnations de la Force. Mais justement, mais c'est pour ça que moi j'ai pas pris l'angle de ce que disaient les gens, mais de en fait leur destinée, de quels étaient les actes qui étaient qui pouvaient être régis par la Force, justement, par et le fait que ils sont tous morts en fait une fois qu'elle en avait plus besoin. Techniquement, en plus, il y a une certaine volonté de la Force, parce que dans Rebels, t'as le Bantu. Le Bendu. Bendu. T'as le Bendu qui incarne la volonté de la Force. Clairement, ce qu'il dit, c'est que tu dois être neutre. Tu dois pas prendre de parti. Le Bendu, vous pouvez le voir à l'image. Et ouais. J'ai tout prévu. Super personnage en vrai. Oui. Je le déteste. Je le déteste, mais il est cool. Mais c'est un connard. C'est un centriste de parler à la minute. Mais oui, il incarne la Force. Il est censé être un élément neutre qui est juste le porte-parole de la Force. Tu sais, c'est la voix de Sauron, mais là, c'est la voix de la Force. Je suis anticlérical. Moi, je veux juste qu'on m'explique comment il a pu s'échapper de World of Warcraft pour atterrir dans Rebels, mais sinon... Il se peut transformer en nuage après ça, tu sais. C'est perdu, mon grand. Et d'ailleurs, voilà, il y a un truc avec ça qui est assez amusant, parce qu'au début, il est ultra neutre, le Bandou. Il aide Kanan en lui faisant un peu, tu vois, la Socrate, genre, je te retourne tes propres questions et c'est toi qui dois trouver les propres réponses. Et les réponses, c'est ta propre interprétation. Donc, je te dis pas si la réponse, elle est bonne ou fausse, je te dis, c'est ton interprétation. Du coup, tu en fais ce que tu veux. Et sauf qu'à la fin... C'est le pire mec, ça, quand tu cherches tes clés. T'as pas vu mes clés? Tu les as perdues où? Tu te rappelles pas, ouais, tu te rappelles pas où est-ce que t'es passé dans la journée? C'est pas moi qui cherche. Souviens-toi de ta journée, mais nique ta race, je cherche mes clés, putain. Et du coup, à un moment, donc le Bendu. Par contre, le Bendu a l'air clairement de pas trop kiffer qu'il y ait du côté obscur. Mais il veut pas non plus agir contre. Et il est du style, moi je m'en fous de qui est là, du moment que vous perturbez pas l'écosystème de la planète, que vous me cassez pas les couilles, c'est tout va bien. Et donc il refuse d'aider Kanan. Enfin, il l'aide, mais tu vois, genre avec les questions floues. Et à un moment, donc, la base rebelle qui se trouve sur cette planète va se faire attaquer par Throne. Monsieur gros cerveau. Calme-toi. Monsieur gros muscle aussi. Mais dans Rebels, il est pas trop ce gros cerveau. Il est bien. Il est trop bien. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, la partie où il attaque la planète, là, c'est fantastique. Il devient vraiment furieux. Enfin, il est glaçant. Voilà. Et donc, d'ailleurs, il y a Maul qui vient là, El Bendu, il est parfaitement OK. Bon, on s'en fout du moment que vous me faites pas chier, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, il y a Throne qui arrive avec plein de Star Destroyers et ils font, on va détruire la base rebelle. Donc, t'as Kanan qui fait genre à Bendu, ouais, mais s'ils détruisent la base rebelle, c'est pas neutre, parce que du coup, c'est le mal qui l'emporte. Du coup, toi, tu protèges le mal, en fait, en n'agissant pas, tu sais, ni de gauche, ni de droite, exactement. Tout ça. C'est pour ça que ne pas taper les nazis, ça, c'est les autoriser à tuer des gens. Voilà. Thank you. Et du coup, t'as le Bendu qui est, non, moi, je prends pas de parti. Oui, et du coup, Kanan a très juste lui dit, si tu prends pas de parti, tu prends quand même un parti, parce que tu laisses les oppresseurs... de faire du mal aux oppressés. Et donc, il provoque le Bendu, et le Bendu se dit, OK, je vais te poutrer la gueule. Petit big up aux apolitiques, on vous parle, là. Ouais. Et Kanan, icône Antifa. Et donc, le Bendu qui représente la volonté de la Force, et qui disait, moi, je suis tout le temps neutre, il devient une grosse tempête d'éclairs, et il dit, OK, et ben j'attaque tout le monde, hein. Du coup, oui, ça reste neutre. Hein. Mais il est vénère envers Kanan, et c'est spécifiquement Kanan qui l'essaie de chasser. Donc ça aide, en quelque sorte, Kanan, mais en fait, c'est pas volontaire. C'est pas le Bendu qui se dit « Ouais, OK, je vais attaquer les Star Destroyers ou quoi que ce soit. » Il attaque pas les Star Destroyers, il attaque tout ce qui est au sol. Il fait un giga prout. Sauf que il se contente pas. Il fait comme les gars qui disent du coup t'as dit que j'étais raciste, du coup je m'énerve contre toi. C'est ça. C'est les flics qui vont étrangler des gens en disant arrêtez de dire qu'on étrangle les gens. Et du coup, tu te dis ok, bon, il attaque tout le monde, donc il est neutre. Sauf que non. Parce qu'il attaque au pif au sol, mais quand il voit que Kanan s'enfuit dans un vaisseau et va partir de la planète, il attaque le vaisseau de Kanan. Mais il attaque pas les vaisseaux de Thrawn. Donc, neutralité, jusqu'à ce que quelqu'un te fasse... On repassera. C'est la masculinité fragile, tu sais ça. Je suis neutre, mais... C'est pour ça qu'il a un collier de barbe. Mais est-ce que c'est vraiment la force ou est-ce que c'est pas lui qui, encore une fois, se dit hey, moi je suis l'incarnation de la force? Est-ce que c'est vraiment. Non, c'est vraiment censé être un. Comme je disais, une sorte de porte-parole de la force. C'est un être qui est éternel en gros, parce que même quand il se fait tirer dessus, en fait, il devient un gros nuage. Thrawn, il se dit, moi, je vais faire comme les Américains, je vais tirer des bombes dans les nuages, ça stoppe les tornades, c'est bien connu. Il tire dans le nuage, le Bendu tombe, il se dit, oh, j'ai tué le Bendu meurt, enfin, il disparaît, et puis après, t'entends juste un énorme rire sur toute la planète, donc il n'est pas mort. Il est dans la force. Du coup, tant qu'on est là-dessus, on va peut-être passer aux séries animées, justement. On va commencer par Kanan. Kanan Jarrus, qui était un Jedi, qui a survécu à l'Ordre 66, qui est un des personnages principaux de la série Rebels, dont on parlera bientôt, parce qu'elle est trop géniale. Ouais. Merci, Ika, pour l'info. Le Bendu, c'était Tom Baker en VO. Ah, je savais pas ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que sa voix a un filtre vieux, en fait. Tout est connecté. Kanan, alors lui, ça va au début. Enfin, je veux dire, c'est triste, hein, il a vécu l'Ordre 66 et tout, mais bon, il fait son petit truc dans la Force et puis il rencontre Hera. Il a pas connu ses parents. Il a quand même vu son maître, donc sa mère adoptive, hein, mourir devant ses yeux. Oui, c'était l'Ordre 66. Assassiné par des Stormtroopers qui l'ont ensuite essayé de le tuer. Des clones. Et il a essayé de s'enfuir pendant toute sa vie jusqu'à s'y rencontrer Ra, en fait. Ouais. Il a pas connu ses parents parce qu'il a été enlevé à ses parents pour devenir un Jedi. Oui, voilà. Genre, il en a quand même chié, il était obligé de changer de nom. C'est devenu un vaurien, enfin, c'est devenu un petit malandrin, il n'a pas une vie folle non plus, même avant Rebels. Ouais. Et du coup, Kanan, il y avait tout ça, et puis un jour, il prend un apprenti sous son aile, le petit Ezra. Et c'est pas tous les jours facile. Ezra, c'est une tête de mule, et Kanan, c'est une tête de mule. Mais il y a un événement qui va arriver dans la vie de Kanan, et qui va l'aider à s'assagir, justement. Et je suis presque sûr que c'est justement censé être un des trucs voulus par la Force, parce que qu'est-ce qui lui arrive? Il perd la vue. Alors, techniquement, c'est Maul qui lui fait perdre la vue, mais vu toutes les conséquences que ça a, je suis presque sûr que c'est un truc qui a été fait exprès par la Force. Et que c'était sa destinée. Oui, parce que quand il perd la vue, il devient beaucoup plus connecté à la Force. C'est comme ça qu'il rencontre le Bendu, et c'est comme ça qu'il est capable de savoir ce qu'attend la Force de lui et ce qui va lui arriver. Il entrevoit sa destinée et il prépare tout pour que ça se passe exactement comme prévu. Sa destinée, qui est de mourir, hein, évidemment. Oui, évidemment, sa destinée, c'est de mourir. Comme quelqu'un d'autre qu'on connaît, il meurt juste après, évidemment, avoir sauvé l'amour de sa vie, qui était. Il a littéralement sauvé sa famille. Oui, parce qu'elle, en fait, au moins, elle était enceinte, pas comme Mais on le savait pas. Il le savait. Mais je parle même pas de ça. Il y avait aussi Ezra, il y avait aussi. Mais sa famille choisie. Oui, Zeb. Il y a toute sa famille de cœur, déjà de base, plus effectivement Eram. Enfin, ils sont tous là, quoi. Ouais. Juste un petit truc, hein. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des coupes de cheveux à partir de la saison 3 même? Ça va, à la fin, ils ont corrigé celle de Sabine. Alors, justement, celle de. Non, Sabine, ça va. Mais celle de Sabine, elle est toujours bien, ok. Alors, celle de Kanan, ça va. Celle de Kanan, c'est justement parce qu'il sait qu'il va mourir. pour les sauver parce qu'il l'a senti dans la force. Du coup, il prend son temps pour se couper. Du coup, il se coupe les cheveux de façon dégueulasse parce que c'est la coupe de cheveux qu'il avait quand il a rencontré Hera, sa femme. Elle lui dit. Et du coup, ça lui rappelle ses bons souvenirs-là à elle, et il veut qu'elle ait ces bons souvenirs-là quand il va mourir, parce qu'il sait que c'est la dernière fois qu'elle le voit. Ouais, parce que, alors, autant pour les autres, on pouvait pas dire, mais lui, il le savait depuis un bon bout de temps que c'était ça sa destinée. C'est évidemment toujours le magnifique pied de biche Star Wars pour, pour ce qui est de la subtilité. Et non seulement, en plus, justement, il les protège d'une explosion, mais en plus, la dernière chose qu'il fait, c'est de se rendre la vue à lui-même par la force, parce que il avait promis à Hera qu'il se reverrait un jour. La dernière, parce que avant qu'il devienne, voilà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Quand il part, quand il part, c'est quoi? C'est pas sur Mortis, c'est quoi? C'est Malachor. Quand il part sur Malachor, il dit à Hera, "We'll see each other again." Et c'est le dernier truc qu'il lui dit avant de revenir sans la vue. Et du coup, le dernier truc qu'il fait de sa vie, c'est de tenir sa parole, en fait. Ils se sont revus comme il avait dit. T'as vu? Et il meurt. Merci la force, c'était sa destinée, parce que justement, quand une fois qu'il meurt, ça donne un petit boost. En fait, ça a beaucoup de conséquences sur l'Empire et tout. Bah parce que en fait, c'est tout leur fuel qui explose parce que ils sont trop cons. Mais voilà, il était obligé de mourir. Ça, c'était. Alors là, vous pouvez pas me dire que c'était pas la volonté de la force, parce que s'il le savait à l'avance, c'est clairement que c'était prévu. Et en plus, c'est confirmé par Ahsoka plus tard, parce que. Bon, spoilers, hein, on n'est plus à ça près, mais. Ahsoka, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, en fait. C'est... voilà, en fait. Donc, spoiler rebelles, un peu plus de spoiler après ça. Après. À un moment, Ezra arrive dans le monde entre les mondes, qui est une espèce de grosse pièce vide avec des traits entre des portes. C'est un endroit tout noir, avec, comme si t'étais dans l'espace, mais avec des chemins entre des portes. Des ponts. Ouais. Avec des portes activées. C'est une bonne idée, je suis bien aimé, perso. Et donc Ezra se retrouve dans cet endroit. Il est genre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Où est-ce que je suis? Et il est guidé par un animal qui représente un des penchants de la force, qui représente la fille. C'est tout un arc spécial. C'est un convor d'ailleurs. Voilà. C'est un convor, oui. Et donc le convor l'emmène devant une porte. Et quand il ouvre cette porte. Le convor qui est techniquement une incarnation de la fille justement de Mortis qui était côté morte en fait. Côté lumineux, oui. Voilà, c'est l'incarnation du côté lumineux. Voilà, c'est ça. C'est un symbole. Morai, je crois. Morai et Morai, pareil, voilà, c'est toujours la volonté de la force, tout ça. Voilà, donc on a l'incarnation animale du côté lumineux qui guide Ezra jusqu'à une porte. Et quand Ezra ouvre cette porte, il tombe sur le combat. Qui a eu lieu quelques mois, voire années avant. Un ou deux ans avant, entre Vador et Ahsoka. Et c'était la dernière fois qu'il voyait Vador, et c'était la dernière fois qu'il voyait Ahsoka. Et il pensait qu'Ahsoka était morte pendant toutes ces années, parce qu'il ne l'avait jamais revue. Et quand il ouvre cette porte, il arrive à attraper Ahsoka, à refermer la porte. Du coup, Vador, fin du combat, il se retrouve tout seul. Vador, on savait qu'il s'en sortait parce qu'on l'avait vu sortir, mais on n'avait pas vu Ahsoka sortir, techniquement. Bah, on avait eu des indices. Mais... Et donc, il sauve Ahsoka à travers cette porte. Il empêche un événement qui était déjà passé. Et à ce moment-là, il se dit, bah, si je peux la sauver, elle, de sa mort, sans que ça change a priori le présent, parce que je suis toujours là, donc ça doit bien aller, je peux aussi sauver Kanan. Donc il va vers la porte où il y a Kanan parce qu'il entend, la scène. Donc il est guidé par le son de Kanan et de tout ça. Et il trouve Kanan dans la scène que vous voyez là, à ce moment-là, et il se dit « Ok, bah, lui aussi, je vais le tirer juste après qu'il nous ait sauvés, juste avant qu'il meure. » Et voilà, et Ahsoka l'empêche de le faire en lui disant « Il n'y a que moi qui survis, ok ?» Ezra, c'est Kilvani qui l'a dit. C'est moi la chouchoute. J'attendais. Désolée de t'avoir attrapé par le col. Et en fait, elle lui dit non, parce que si tu le sauves, eh ben tu changeras toute sa destinée. Et il était au courant de cette destinée. Et en fait, tu vas l'empêcher de mourir et tu vas l'empêcher d'avoir la portée symbolique qu'il avait. Et donc, il assiste une deuxième fois à la mort de Kanan, mais sous un autre angle cette fois. Trop bien. Voilà. Ouais, parce que Ezra aussi, en fait, là on parlait de Kanan, mais Ezra aussi, c'est pas la folichon. Bah, déjà, voilà, ses parents, c'était des rebelles. Ils se sont fait capturer quand il était encore très jeune. Il a dû vivre toute sa vie tout seul. Et un jour, il a su que ses parents étaient en vie et qu'ils avaient créé une émeute dans leur prison pour s'évader parce qu'ils avaient entendu parler de lui et que les actions de leur fils sur l'autel leur avaient redonné espoir. C'est super cool et tout, et en fait, ils sont morts en s'enfuyant. Donc voilà, bon, tout ça, c'est pas spécialement la force, mais voilà, tous les utilisateurs. Alors qu'ils étaient dans la même ville. C'est-à-dire qu'ils auraient leur chemin, ils étaient au même endroit, ils auraient pu se croiser, mais ils se sont jamais revus. Et il sait juste qu'il a permis à ses parents de s'échapper et d'être un peu libre 30 secondes avant qu'il. D'ailleurs, petite parenthèse, mais tout le truc des parents d'Ezra dans le final de la saison 4, c'est exactement ce qui aurait dû arriver dans l'épisode 9 pour Rey. Ouais. C'est s'il voulait utiliser la famille de Rey comme un élément central sans détruire les deux films d'avant, il fallait que le méchant lui promette de les ramener à la vie et tout, et de les lui redonner et tout. C'est Ezra ne méritait pas un aussi bon arc et Rey le méritait. Doucement. Ezra, en fait, le truc c'est qu'Ezra, il avait pas besoin de ça pour avoir un bon arc parce que tout ce qui arrive après est super cool. Super cool, sauf que, évidemment, c'est un utilisateur de la force. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver tout le monde à la fin? Il faut se sacrifier aussi. Exactement, la même position que Kanan avant, d'ailleurs. Ouais, c'est magnifique. Hein. Yay, c'est beau. Ça rime. Ils sont tous les deux dans la même position, en train de bloquer leurs ennemis. Alors, pour l'instant, on ne sait pas. J'espère qu'il n'est pas mort. À la fin, c'est grandement suggéré qu'il ne l'est pas. Ceci dit, ça veut dire qu'il est quand même perdu dans la galaxie, loin des gens qu'il aime. Possiblement seul. Dans tous les cas, il est dans un Star Destroyer rempli de Stormtroopers. Et sans fenêtre. Et oui. Sans fenêtre, alors là, franchement. Ouais, c'est pour ça que je comprendrais pas qu'ils arrivent à me dire et qu'ils disent moi, j'ai survécu, oh, c'était un peu brutal, mais ça a été l'atterrissage. Ouais, non, c'est... En fait, mais bon. Tu te désintègres, Ezra, je suis désolé. Mais... Peut-être qu'il a utilisé la force. Il joue au Crab Strike Throne, il a rien à vous d'autre à foutre. Non, mais enfin. Ils sont devenus potes, en fait. Mais voilà, même Ezra qui s'en tire bien parce qu'on suppose fortement qu'il est vivant. Ben même lui, il a dû se sacrifier et sacrifier une partie de sa vie pour sauver les gens et accomplir la destinée que la force avait pour lui. Il est très jeune, Ezra, en plus. Il a quoi à ce moment-là ? Il a 17 ans, je crois, à ce moment-là, un truc dans le genre. Il commence à 15. Donc, il doit avoir 17-18. Ah, il est majeur. Il peut enfin faire du sexe. Il y a Throne, il faut qu'il profite. Non, Throne est trop vieux. Ça suffit. Il est majeur à la fin de la côté, c'est un streamer. Hein. Je pense qu'il est majeur, Ezra, parce qu'il va dans un bar. L'indicateur. Et d'ailleurs, du coup, il a 21 ans, parce que là-bas aussi, c'est comme les États-Unis. Du coup, on peut parler aussi de Maul. On peut parler de Maul, regarde. Oh, ah, oh. Maul, il y a des choses à dire sur lui. Oui, je pense qu'on peut parler de Maul et je pense qu'on peut parler même de plusieurs utilisateurs du côté obscur. Même ouais. Qui, tous les utilisateurs du côté obscur, pareil, ils se sont fait bien ken. Hein. D'ailleurs, je voulais vous dire, si vous n'avez pas vu Rebels et que vous voulez une raison de le voir, dans Rebels, Ezra, il a deux papas, c'est Kanan et c'est Maul. Ouais. Voilà. Une oui, famille, c'est deux papas, c'est une vrai. Maman, une sœur, mais ah oui, t'as vu trop de porno et du coup t'as envie de faire du sexe avec quand même. Mais que pendant que t'es ado. Oui, que pendant une saison. Et encore, à la fin de la saison 4, il y avait un truc, je dirais. Mais... Oh non, sérieux, mais je me rappelle pas. Non, à la fin de la saison 4, il se souvient qu'il était un peu comme ça au début. Ouais. Ouais, mais je veux dire, elle va le chercher à travers la galaxie, du coup maintenant c'est Rivers, en fait, c'est elle qui veut... Elle s'est dit, ah, il a 18 ans, du coup maintenant, moi, je vais le pécho. Mais il a plus de 18 ans, mais arrêtez, c'est sa frangine. À la fin, quand elle décide... Oui, c'est vrai, je m'y oppose. À la fin, quand elle décide enfin d'aller le chercher, ça fait 4 ans, le mec, il a 22 ans. Ouais. Il a plus de 18 ans. Non, mais écoutez pas, juste Rebels, c'est une super série sur la famille de tous les cas, de base. Et c'est un excellent Star Wars. Et, c'est aussi un boomer ça... clone. Avec ses, il y a ses le meilleur de Maul dedans. Le meilleur Maul. Ah bah oui. Ouais. Ouais. Ah bah ouais. Bien oui, sûr, de loin. Ah bah oui. Bah regardez ça. Il non, ça c'est dans bégé. Clone Wars l'image que j'ai mise. Ah, mais c'est pas grave. Avant qu'il pour se battre. Sur Rotten Tomatoes, j'ai halluciné l'autre jour. De quoi? C'est un truc de malade. C'est mieux. Je comprends rien de ce que tu dis. Notez que. Tu coupes. Vous coupez, monsieur Matt. Mm. Tiens, il y en a deux qui citent Ventress aussi. Oui, Ventress, beaucoup. Ventress, oui, qui n'a pas eu une vie facile non plus, clairement. non, je disais que Rebels, il y a trois saisons sur quatre qui ont 100% sur Rotten Tomatoes. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour ne pas la regarder encore. Non, c'est vraiment bien. Au niveau du lore de la Force, au niveau du lore de Star Wars en général, des planètes, des Mandaloriens, de tout. Il y a tellement de choses intéressantes. Ouais. The Permanent Take, c'est mieux que la postlogie. Bon, en fait, ce que vous voulez. Ben, le problème, c'est j'aime que beaucoup l'épisode 8. Il y a le 8, mais après, d'un point de vue global, ouais, c'est ça. D'un point de vue global, largement. Le pic, en fait, le pic de la postlogie est un peu plus haut, le plus bas de la postlogie est tellement bas par rapport à Rebels que c'est pas... mais ouais, c'est super, et moi je dirais même que c'est mieux que Clone Wars justement, mais après ça dépend de ce que tu cherches dans un truc comme ça, mais ils sont tellement tous attachants dedans. Tout est intéressant, c'est bien fait, les combats sont intéressants, les dialogues, enfin tout, tout, c'est bien. On fera un épisode sur Rebels. Revenons sur Maul. revenons sur Maul, ouais, ça c'est un truc qu'on aimerait bien faire. Du coup, Maul, ceux qui ont vu les films, ils se souviennent, c'est un gars qui est à la solde de Sidious, qui a été, pareil, arraché... à sa famille qui... Alors sa famille qui était déjà pas terrible hein. Ouais. Il faut bien juste là-dessus pour faire très vite, mais déjà tous les Jedi bah, ils sont tous arrachés à leur famille pas pour sauf l'ordre Luke. Quoi sauf Luke, oui, même si sa famille lui a été arrachée d'une autre façon, c'est même sa famille est tendue parce que son oncle et sa tante, j'en parle même pas, mais tous les Jedi déjà la plupart meurent tous de l'ordre 66 et en plus ils sont arrachés à leur famille au début pour un soi-disant plus grand bien quoi. Ouais. Et tu sais c'est exactement ce que fait l'Empire avec les Stormtroopers etc, hein, arracher des enfants à leur famille pour en faire des soldats. Ça c'est le premier ordre, l'Empire c'est marchant, oui, en plus sur l'enrôlement. Oui. Ouais. Les autres ils ont carrément créé des enfants pour en faire des soldats. Ils avaient créé des raptors. Non, non, juste des clones de Jango Fett. Ok, donc Maul, son seul but à lui dans sa vie à ce moment-là, c'est de faire ce que Sidious veut de lui, c'est de détruire les Jedi. Et en gros, c'est triste, parce que déjà de base, il n'a pas d'identité. C'est-à-dire que Maul, c'est son nom qui lui a été donné. Il ne se souvient plus de son vrai nom. Il ne se souvient plus de qui il est. Il sait juste qu'il a été élevé et entraîné à être l'assassin de Sidious et faire les mauvais trucs de Sidious. Et il se fait couper en deux. par Obi-Wan. Par Obi-Wan. Et il se fait complètement abandonner par Sidious. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne savaient pas, Maul survit. Il survit sans la moitié de son corps. Et pendant un temps, il se met des espèces de jambes mécaniques de robots qui lui font comme des pattes d'araignée. C'est... Tu vas faire toute sa biographie, en fait. Non, mais bref, du coup, il survit. Et en fait, il se rend compte que Sidious ne veut plus de lui. Et que d'ailleurs, ça arrangerait Sidious si Maul mourait vraiment. Et donc, le gars se dit, ok, les Sith, c'est des connards. Donc maintenant, mon but, c'est plus de détruire les Jedi, ça va être de détruire les Sith. Non, il survit pas grâce à sa fanbase, il survit grâce à Lucas, qui aimait beaucoup le personnage, et qui, un jour, est arrivé, il a fait « Hé, Maul est en vie !» Et puis les gens, ils ont fait « Ah bon ? Oui, oui, allez-vous l'intégrer !» Il s'est pointé devant Filoni, il a fait « Ah, au fait, j'aimerais bien que Maul, il apparaisse !» Le mec était là « Maul !» D'accord, le mec coupé en deux, ok. on va trouver, hein. T'inquiète, le genre, on va faire avec. Voilà. Mais, et c'était cool, tant mieux, c'était vraiment une bonne idée. Meilleur personnage ouais. de prélogie, enfin, tout ce qu'il rien que pour l'avoir dans Rebels, ça valait mille fois le coup. Et puis dans la saison 7 de Clone Wars, ouais. Il est fantastique. C'est vrai. Il y a des payoffs, quoi. C'est ça. Merci, Lucas. Et donc, en gros, Maul survit en faisant un peu tout ce qu'il peut de criminel pour survivre. On le voit dans Solo, qu'il est chef d'une espèce de brigade de criminels. Oui, il avait déjà commencé ça pendant la guerre des clones. Etc. Et puis dans Rebels, Maul, il part plus dans le côté « Ok, maintenant, je vais vraiment poutrer les Sith. » Et donc, il veut trouver des holocrons pour pouvoir avoir une... Parce que les holocrons, c'est comme la lampe de génie, ça te répond à une de tes questions. C'est pas trois vœux, c'est juste une de tes questions. Et c'était quand tu les réunissais les deux. C'est ça, un holocron Sith Jedi et un holocron Jedi. Ça te donne le savoir universel. Et on a skippé toute la partie clone noire, voilà, je crois. Ou ça a coupé pendant que... Vas-y, fais la partie clone noire si tu veux, mais je voulais faire... Vas-y, fais la partie clone noire vite fait. Ouais, surtout la saison 7, justement. Ah non, c'est vrai. Juste vraiment très rapidement, oui, c'est que pendant Clone Wars, il essaye de se venger d'Obi-Wan, encore une fois, sans y parvenir. Il arrive à enrôler un peu un de ses frangins, si j'ai bien compris, c'est un vrai frère, je ne suis pas sûr, si, dans le... Le jaune ça va, le jaune, oui, Oppress, oui, ça va être Oppress. D'ailleurs, en vrai, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est 23 d'abord qui le récupère, qu'il le forme aux presses, mais après il rejoint effectivement Maul et dans l'espoir, je crois, justement de se venger de Obi-Wan, sa foi. Ils essayent de tuer Palpatine, ils se font botter le cul aussi. Voilà, bah, il prend un peu le contrôle de Mandalore, je crois déjà à ce moment-là, il tente d'aller sur Mandalore une première fois, parce qu'il s'est coquiné avec la Death Watch, les Mandaloriens pas gentils. Effectivement, t'as Palpatine, enfin, il fout la merde déjà, t'as Palpatine, il fait ok. D'où il est vivant ce con. Donc Palpatine vient lui niquer sa race en personne. Oppress, il y reste. Maul, il survit. J'ai l'impression que même il le laisse en vie, je crois, Palpatine. Je me souviens pas. Je crois qu'il le laisse en vie volontairement parce qu'il dit bah, t'es qu'une merde, de toute façon, tu feras rien. Et après ça, effectivement, saison 7 de Clone Wars, il revient hein, sur Mandalore, mais là, dans l'idée, en fait, il a eu des visions, il a vu des trucs dans la Force, dans l'idée d'attirer Obi-Wan. Et son apprenti, Skywalker, pour buter Skywalker, pour éviter qu'il devienne l'apprenti le nouvel apprenti de Palpatine, et que tout le reste se déclenche derrière. Oui, parce que Maul, à ce moment-là, ne sait pas qui est Anakin Skywalker, il a juste eu des visions et senti qu'il allait avoir quelqu'un qui allait être encore plus dangereux que Sidious, et qu'il allait vraiment, vraiment foutre la merde dans la galaxie. Et donc Maul il se dit ouais non c'est pas cool quand même, et donc il veut stopper Vador avant que Vador n'existe. Ah, attends, il y a Nalzeb qui précise qu'il s'était fait emprisonner, et en fait c'est la Death Watch qui a libéré Maul dans le comic Dark Son of Datomir. Ah, merci. Merci beaucoup. Et donc d'ailleurs et du coup dans la saison 7 bah, il échoue encore une fois parce que juste rapide, excuse-moi, je te couper. Rapidement. Juste Maul, c'est l'incarnation de l'échec. De la... Ouais, le pauvre. il persévère, c'est la persévérance, mais l'échec derrière. Et le somme. C'est moi. Le mec n'a jamais ce qu'il veut et il est jamais heureux au final. Parce que, donc là, il se dit. Pour le coup, il voulait faire le bien à ce moment-là. Il voulait tuer Anakin pour pas qu'Anakin devienne Vador. Et donc, dans la saison 7 de Clone Wars, il ressent à travers la Force le moment où, dans l'épisode 3, Anakin devient Vador. Et donc, il sait qu'il a échoué. Et il sait ce que ça signifie et ce que ça va engendrer. Et donc, il se casse. Il met clairement les voiles. Après, tu dis, il tente de faire le bien. Il essaie d'enrôler Ahsoka un petit peu dans l'idée. Viens, on va buter ensemble. J'ai pas dit qu'il voulait faire le bien, lui. J'ai dit qu'au final, c'était quand même quelque chose de... Ça aurait eu un impact positif, mais derrière, il l'aurait fait à l'envers à tout le monde aussi. Bien sûr, c'était pas son but de faire le bien. C'était juste que pour une fois, ça allait de ce côté-là. Voilà. Et donc... Il y a la partie solo où on imagine qu'il gère un petit peu son business avec tout son crew de malfaiteurs et son syndicat du crime. Et à un moment, et ça tourne revient... mal. Ouais, c'est ça. Et à un moment, ça le tournait mal. Il doit encore échouer parce que c'est ce qui arrive tout le temps. Et effectivement, on arrive à Rebels où il se retrouve sur. Perdu sur Malachor. Comment s'appelle cette planète Malachor, où il tente de récupérer les holocrons. Donc Malachor qui est une planète où il n'y a rien. C'est littéralement un désert de rien. C'est même pas du sable. C'est un désert de rien. Et tu vois, tu prends le cerveau d'un streamer sur Twitch. En fait, c'est l'intérieur de ça. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont gardé le concept de Malachor depuis l'ancien, enfin depuis le Legends ou pas. Je crois qu'elle dit quelque chose, ce nom, Malachor. Parce que dans Knights of the Republic, en fait, c'était une planète où il y avait eu une partie super importante des guerres mandaloriennes. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que toute la force, genre la force avec un grand F, du coup, qui était sur la planète, a été annihilée. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien de vivant sur la planète, en fait. Peut-être. Bah après, tu vois les vestiges de la guerre sur Malachor avec Ezra qui trouve un sabre laser par terre et tout. Ouais, c'est vrai. Ça doit vouloir dire peut-être qu'ils ont gardé des trucs comme ça, parce que clairement, c'était un passage des guerres mandaloriennes. Ça s'appelle le fléau de Malachor, toujours dans le canon. Et donc sur Malachor, Maul s'est retrouvé là-bas parce qu'il cherchait un temple Sith qui se trouve là-bas. Et en fait, il n'arrive pas à ouvrir le temple Sith parce qu'il faut être deux. Et donc le mec survit pendant plusieurs années dans une planète morte où il y a juste des cadavres qui sont en... Calcinés, non ? Enfin, c'est des ils sont, comment dire, pétrifiés. Ouais, c'est ça. T'en as, t'envoies des debout, mais c'est genre, ils ont été pétrifiés, un truc comme ça. C'est littéralement de la pierre ou un truc comme ça. Encore des gens qui ont une belle vie. D'ailleurs, c'était très drôle parce que sur Twitter, il y a quelqu'un qui avait demandé à une des personnes de Star Wars comment ils survivaient et qu'est-ce qu'ils bouffaient. Je sais plus ce qu'ils avaient répondu, mais je trouvais ça très drôle. Et donc, ils survivaient. Comme Palpatine, il s'est rongé les ongles. Ouais, c'est ça. Il mangeait les croûtes de sa cicatrice à la jonction avec les jambes. C'est dégueulasse. Donc ouais, le mec a une vie de merde, il est là et puis il reste là et puis bon bah il survit quand même. Faut croire que la rage ça le garde en vie jusqu'à ce que Ezra et Kanan arrivent. Il se nourrit de somme. C'est un mec qui se nourrit de somme. Bah, je veux dire littéralement il est le rongé par la colère. La chose qu'il veut savoir en fait, c'est où est Kenobi. Oui, c'est ça. Le truc qui veut, en fait, au final, c'est toujours se venger d'Obi-Wan tout au long de son truc. Et du coup... Donc spoilers. Kanan... ouais. Spoilers. Il finit par retrouver Obi-Wan. Oui. Grâce à Kanan, parce que du coup, Maul devient en quelque sorte le deuxième maître de Kanan. Ezra. Pardon. Le deuxième maître de Ezra. Du coup, ce qui est sympa dans l'arc de Ezra, parce qu'il est complètement perdu entre Maul, Kanan, sa famille, enfin, etc. Et donc, Maul finit par apprendre que Obi-Wan est sur Tatooine. Donc, il va sur Tatooine et il se perd dans le désert. Et il est sur le point de mourir de soif. Il se dit, ouais, je vais appeler Ezra. Ezra va venir l'aider. Il échoue tout le temps, le pauvre. Hein. Il se dit, ouais, Ezra, il m'aide toujours, même s'il sait que je suis méchant, donc je vais appeler Ezra. Donc Ezra vient, Ezra se perd dans le désert. Maul aussi. Finalement, Maul et Ezra sont perdus ensemble, donc ils disent, ah bah c'est bien, on est perdus ensemble. Et puis... Gigabolos, quand même. Obi-Wan... apparaît à Ezra et puis il se tape la discussion et puis du coup Maul arrive et fait ah ça y est j'ai trouvé Obi-Wan, donc Ezra se dit ok moi je me casse. Et donc Obi-Wan et Maul discutent ensemble, comme c'est rigolo parce que leur interaction c'est comme si c'était très vieux amis qui se retrouvaient vieux amis, ouais. Et ouais, qui avaient juste pris des chemins différents. Et donc Maul fait genre je vais me battre et Obi-Wan est triste de devoir se battre contre Maul, mais il le tue d'un premier coup. Et quand Maul meurt, pour de bon cette fois, il meurt dans les bras d'Obi-Wan et clairement il est malheureux comme tout et il me semble non. qu'il... Non, justement, alors pour le coup, c'est une des exceptions, c'est que c'est au moment où il meurt, oui, c'est vrai. Il a compris que Obi-Wan il était là pour garder quelqu'un. Ah oui, c'est vrai. Et oui. La dernière chose qui lui arrive, en fait, c'est qu'il demande à Obi-Wan si c'est lui l'élu, enfin celui qui protège. Obi-Wan lui dit lui, et du coup il lui dit, il va nous venger. Ouais. Et c'est là qu'il meurt, c'est le dernier truc qu'il dit. Et du coup, malgré toute sa vie de merde, il est mort apaisé par le gars qui lui avait coupé en deux. Qui l'avait coupé en deux. Il y a encore de la poussière chez moi, c'est quelque chose. Non mais le pire dans cette histoire. Et le pire, c'est que je suis sûr qu'il savait qu'il avait aucune chance de survivre à ça et que c'est pour ça qu'il y est allé. Oui, mais parce qu'il n'avait pas de raison. Ça finisse, en fait. Il n'avait pas de raison de vivre. Exactement, il n'avait pas de raison de vivre et le gars, il voulait que ça finisse. Il voulait trouver un sens à pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça. Et au final, à la fin, il est rassuré de savoir qu'il y a quelqu'un qui va le venger. Oui, Ika, il a tout à fait raison. Obi-Wan, il prend la même pose que Qui-Gon et Maul lui fait le même truc qu'il essayait de faire à Qui-Gon. D'ailleurs, quand il se fait tuer, il est en position avec les bras en l'air là, pour pousser les bras d'Obi-Wan comme il avait fait à... Quand il essaye de donner le coup sur le menton. Le coup de manche dans la tête. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Alors moi, juste une question. C'est vrai que moi, j'ai pas vu Rebels. Alors là, on est en train d'expliquer pourquoi on aime bien Rebels et tout, mais j'ai un peu de mal à voir le lien avec la volonté de la Force. La vie de Maul et tout ce que Maul a subi. C'est la vie de Maul à cause de la Force et à cause de même de cette prophétie. Il est lié. Parce qu'au final, même les personnages du côté obscur aussi, ils prennent cher tout le temps. Ouais. C'est ça, oui, c'est ça. Ah, c'est Palpatine, en fait. C'est plutôt lié à des histoires personnelles, à des gens de merde qui les entourent et qui profitent d'eux à des moments où ils sont vulnérables. Est-ce que c'est vraiment la Force qui est vraiment en train de les manipuler à ce moment-là? De la Force, ils n'en seraient pas là, déjà, si on repart, du coup, juste dans les films. Qu'est-ce que c'était la destinée de Maul? C'était juste de tuer Qui-Gon. Pour que. Mais est-ce que c'est la faute de la Force? C'est la faute de Palpatine, ça. Il y a un problème. Non, c'est pas la faute de Palpatine. C'est la faute de la Force. Parce que la destinée d'Anakin, c'était toute l'horreur qui lui est arrivée. Et ça lui serait pas arrivé si Qui-Gon avait été là pour le mentorer. Parce que Qui-Gon, on l'a beaucoup critiqué tout à l'heure, mais il aurait été un bien meilleur maître pour Anakin, beaucoup plus souple. Pour un enfant comme Anakin, Et ça se serait beaucoup mieux passé. La destinée de Maul, c'était de tuer Qui-Gon pour que Anakin puisse remplir son rôle. Au final, Maul, il aura passé sa vie à essayer d'aller contre la volonté de la Force, en fait. C'est ça. Il suit constamment son instinct vis-à-vis de ce que la Force lui donne comme indication, même dans l'épisode saison 7 de Clone Wars. C'est parce qu'il a vu des choses dans la Force en rapport avec Anakin qu'il va dans ce sens, qu'il prend ces décisions-là pour tenter d'aller à son encontre, mais il est toujours influencé par la Force. Et puis surtout, à la base, il était puissant dans la Force, sinon Sidious ne l'aurait pas trouvé et n'aurait pas décidé d'en faire son apprenti. Donc pourquoi est-ce que la Force lui avait permis d'être aussi connecté à elle? Donc, on s'est focalisé sur la prophétie de la Force, mais on peut parler de la Force en général. Voilà. Oui, c'était tous les ça. Autres Jedi qui ne sont pas liés à la prophétie, ils ont tous eu une vie de merde finalement, ou en tout cas un destin tragique. Et d'autres utilisateurs, même du côté obscur, je voulais faire un bref passage sur Ventress, j'y viendrai après, je ferai très vite parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on va juste condenser les points importants. Mais pareil, ils ont tous eu des destinées de merde en fait. Ouais. Voilà, moi je fais un peu. Enfin, je pense qu'on a bien expliqué. Juste très vite sur Maul, je voulais le dire tout à l'heure, excusez-moi. S'il fait cet enchaînement, s'il retente de faire le même enchaînement, c'est comme on disait, c'est peut-être qu'il savait qu'il avait pas forcément de chance, mais est-ce qu'il cherchait pas à se suicider aussi parce qu'il savait que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est vrai qu'il connaissait cette feinte. Il avait cette malédiction, en gros, Maul, d'être ultra conscient de ce qui se passait dans la Force en temps réel et de pas savoir comment ce qu'il devait faire. Quand il a su ce qui arriverait à Anakin, c'est le seul à l'avoir perçu. Bon, t'avais Sidious qui, lui, espérait que ça aille bien dans son sens, mais Maul, il l'avait vu, il savait que ça allait se passer. Il s'est dit, je peux pas laisser ça arriver, c'est trop horrible. Et pendant tout Rebels, il a plein de... Il voit des choses dans la Force, mais il sait pas exactement... En gros, c'est à lui de remettre les pièces de puzzle ensemble et d'en déduire ce qui va se passer et de ce qu'il peut faire ou pas, etc. Et il est complètement... perdu et... Il est spectateur, même saison 7, il est spectateur, il essaye justement d'être actif, hein, de acteur du truc, mais il est constamment mis en retrait. C'est de se faire balader à gauche, à droite par la Force et les autres utilisateurs de la Force. C'est un bottom face à la Force. Et d'échouer. Il n'est jamais autorisé à vivre sa propre vie parce qu'il est tellement lié à la Force que de toute façon, quoi qu'il essaye de faire, il va retomber dedans. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est pour ça que le seul truc auquel il se raccroche, c'est Obi-Wan. Et qu'à la fin, il trouve la paix avec Obi-Wan parce que justement, il est enfin autorisé à se reposer et à ne plus souffrir. D'ailleurs, juste par rapport à ça, Obi-Wan, ce qu'il lui dit, c'est un putain de gros mensonge. Quand tu y penses, est-ce qu'il veut dire que le pauvre, il est mort sur un mensonge, parce que moi vraiment à l'annonce de The Rise of Skywalker, j'ai revu ce clip donc du combat entre Obi-Wan et Maul, et je me suis dit putain c'est quand même beau, genre au début j'étais un peu saucé hein, par l'idée justement que Palpatine soit le vrai méchant et que c'est le Skywalker qui va le battre. En fin de compte c'est The Rise of Skywalker annule complètement la dimension symbolique de ce combat et c'est ridicule. Mais après, on peut partir du principe que Obi-Wan était sincèrement persuadé que c'était Luke. Enfin, c'était le cas. Oui, hein, mais même persuadé que c'est Luke l'élu. Quoi. C'est quand même affreux quand tu penses quand même à ça. Où il a été baladé à cause d'un. Enfin, toute sa vie, ça n'a été que peine et torture à Maul à cause d'une personne, à cause même de la Force. Et en fin de compte, tout ça. Voilà, mais même Obi-Wan, on a survolé très vite, mais il se fait bolosser toute sa vie aussi. Obi-Wan, son maître se fait buter, l'amant de sa vie se fait buter également. Il perd son frère, la personne d'Anakin s'est déchirée en ce moment également. Tous les autres Jedi, toute sa vie s'effondre littéralement. Il part s'exiler sur Tatooine pendant plusieurs années à en devenir à moitié dingue. Il voit après, son apprenti devenir le monstre qui devait. Voilà, en qui plus est. Il tente de mettre Luke sur la voie. Et tout ça pour finir après comme une espèce de fantôme un petit peu tout pourri, là. C'est un faux bidon à tout le monde, mais. Il n'y a pas eu non plus, c'est un peu une vie de merde aussi. Hein, même Yoda, il a passé 30 ans sur son Dagobah là, à bouffer de la vase. 20 ans, ouais. À se faire attaquer par des mouettes là. Ouais, c'est... tout le truc que tu disais, Adrien, justement, c'était. C'était ce que je m'étais dit, mais je m'étais dit ça sur tout le monde en fait. C'est. Tous les personnages qui ont en fait qui ont dû essayer d'accomplir la volonté de la Force, ils ont tous eu une vie de merde. C'est ça que je voulais dire. Il y a la volonté de la Force, il y a ceux qui sont sensibles à la Force et qui doivent faire avec. Une petite intro pour parler de 23, mais rapidement, c'est quelqu'un qui est sensible à la Force. Qui du coup a un destin influencé par ça, qui ne peut pas faire autrement en fait. C'est un peu un baiser de la mort quand on découvre que tu as des pouvoirs, t'es lié à la Force quand t'es gamin quoi. Parce qu'on va t'arracher à ta famille d'une façon ou d'une autre ou genre de truc. Enfin c'est y a pas moyen de dire non en fait, j'ai l'impression. Les parents ils sont pas là à dire ouais non finalement ouais bah il est balèze avec la Force mais non il va rester avec nous. Les mecs ils insistent pour les récupérer. Je crois que c'est avec Ahsoka qu'on voit ça il me semble, non? De quoi? Quand elle est toute bébé. C'est Obi-Wan qui va récupérer Ahsoka quand elle est toute gamine, je crois. Ouais. Ahsoka, c'est Plo Koon qui va. C'est Plo Koon. Ah, oui, peut-être Plo Koon, je sais plus trop, mais de mémoire, les parents, ils ont pas masse à dire, quoi. C'est déjà chaud. Juste pour parler de 23, alors elle, du coup, c'est le côté obscur, mais à la base, elle a été recueillie par un maître Jedi. Déjà, c'est qu'à la base, ses parents ne sont plus très vivants. Lui-même se fait dégommer par des pirates. Elle se retrouve donc seule. Donc, voilà, son père adoptif meurt également. Bascule du côté obscur, devient l'assassin de Doku. Doku tente de la buter parce qu'il commence à trouver qu'elle est un petit peu trop dangereuse à son goût. Donc elle se fait à nouveau abandonner par son maître d'une autre façon. Là, c'est trahir même, littéralement, on peut dire. Enfin, toute la confiance qu'elle avait mise en lui, bah, elle s'effondre. Elle tente de rejoindre un petit peu sa famille, comment on pourrait dire, enfin, son... Ouais, si, son peuple, quoi, Ardard, les sorcières peuple, voilà, de l'Atomir. Ouais. Voilà, les sœurs de la nuit sur de l'Atomir. Donc parmi ces sorcières de la nuit, pardon, on a la mère Talzin, qui est un peu la chef du coin, qui se fait dégommer aussi par Doku, un peu plus tard. Je crois qu'elle tente effectivement de récupérer. Enfin, bon, ça, on s'en fout un petit peu. Je vais parler de Savage Press, mais c'est pas forcément lié à ça. Mais en gros, voilà, tous les gens en fait à qui elle tient, à qui elle finit par s'attacher d'une façon ou d'une autre, finissent par mourir ou par tenter de la tuer. Ça pour revenir au passage. Pardon. Moi, je dis juste bisous à Ika parce qu'il s'en va. Oh. Bisous Ika, à plus. et très rapidement, on a Quill Nunvos qui. Matt, tu as coupé. Matt, il a coupé. Très bien. Il a dit très rapidement, c'était vraiment très rapide. C'est quand même de Il a recommencé. Voilà, c'est fini. Non, je parlais. Je suis là. Vous m'entendez ? Là, on t'entend. Bof. On était à Quill Nunvos qui. Je disais Quill Nunvos qui est envoyé par le conseil pour la tuer. Sa mission, c'est de devenir un petit peu pote avec. Enfin, c'est pas de la tuer, sa mission. C'est de réussir à convaincre d'aider Quinlan à buter. Doku, ils finissent par tomber amoureux, ce qui est plutôt cool, mais rien pour les utilisateurs de la force. Mais forcément, quand des gens tombent amoureux, bah, ça se termine mal parce que bah, déjà, Quinlan il a pas le droit. Il y en a un qui est du côté obscur, l'autre du côté clair, donc forcément, ça passe pas toujours super bien. Mais elle finit par il y a tout un passage où effectivement un coup Quinlan passe du côté obscur, un coup non, ça crée des drames, mais à la fin elle se sacrifie pour sauver Vos. Donc lui il finit malheureux, il va l'enterrer sur l'Atomir, si on peut dire, enfin la couler, parce que c'est plutôt dans un lac, donc il va là, en tout cas par le funérailles, je sais plus, j'ai plus les mots là cette heure-ci. Bref, il l'enterre, on va dire, sur l'Atomir. Donc voilà, lui aussi pareil, sa meuf, fini, et elle meurt de tout ce bordel, alors qu'elle n'a peut-être rien demandé à la personne à la base. La force, c'est pas forcément son kiff, mais elle se retrouve embrigadée dans tout ça, dans la guerre des clones, dans tout ce merdier, alors qu'à la base, elle n'avait peut-être pas demandé grand-chose à personne. Voilà. Du coup... Que des destins cool, en fait, c'est vraiment... Donc tout ça, c'était pour tous les trucs canons. Je sais que Funeli et Ximnut, ils ont préparé 10 milliards de trucs. Peut-être qu'on va pas tous les dire là, parce qu'ils commencent à faire tard. Ils sont pas tous intéressants. Mais dans les jeux vidéo. Non, mais il y en a un qui est très intéressant parce que, bah, forcément, dès qu'on avait parlé du sujet de l'épisode, ça m'avait fait penser à ça. Parce que forcément, vu qu'on dit que, enfin, on parle de la potentielle cruauté de la force, de comment elle influence les destins et tout, bah, il y a un personnage dans les Legends qui s'est dit « Ok, bah, du coup, on va faire dégager la force. » Et ça, c'est Darth Traya qui était dans les jeux, dans Knights of the Republic 2. Je sais pas si tu veux commencer par parler du premier avec Revan et tout. Non, vas-y, je trouve que, justement, je trouve que Darth Traya est plus intéressant, donc je te laisse en parler. Ok, du coup, le contexte pour elle, c'est qu'à la base, elle était Jedi, et c'était à la période où il y a eu les guerres mandaloriennes. Donc là, déjà, encore une fois, un truc super fun, où t'as des Jedi qui se retrouvent à aller en guerre, et ensuite, ceux qui reviennent, ils sont punis par le conseil Jedi. En général, c'est la punition, c'est de les couper de la force. Donc ok, super, cool. C'est fun. Alors le personnage principal, ils ont un verrou à force. Comment ça marche? je sais pas moi. Allez, ils leur prennent leur midi-chlorien, quoi. c'est dans le jeu, ils te montrent ça en mode c'est un rituel genre où t'as les Jedi qui sont autour et c'est un petit peu en mode on se tire la main et puis pouf t'as plus la force, tu vois. Bon, sauf que c'est quand même vachement. Déjà, c'est de la torture en fait pour les gens qui ont vécu avec la force, parce que c'est une façon de sentir les choses. Tu sais, tu vis avec, ça fait partie de toi. Du coup, le fait que les Jedi coupent les gens de ça, tu vois, c'est quand même sévère. C'est comme dans Dragon Age, je sais pas si vous y aviez joué, mais dans Dragon Age Origins, les mages sont ultra contrôlés et se contrôlent vachement. Ils sont carrés dans leur tour, ils ont pas le droit d'en sortir, ils ont pas le droit d'utiliser la magie en dehors de. Mais attends, les deux jeux, etc. C'est pas BioWare justement? Ah non, je crois que c'est Obsidian. Et t'as des gens. Le premier, c'est BioWare. Ouais, mais pas le deuxième. Et t'as. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, pardon. Et t'as leur. T'as certains mages. En fait, ils ont un rituel pour voir qui aura le droit de devenir un élève mage. C'est-à-dire qu'ils enlèvent tous les enfants à leur famille. Oh, un thème récurrent. Ils enlèvent tous les enfants à leur famille, tous ceux qui montrent qu'ils ont des trucs de mage. Et ils leur font passer un test pour savoir s'ils ont le droit d'être mage. Et s'ils n'ont pas le droit, ils les coupent de leur lien magique. Et ça en fait, des gens qui sont comme des sortes de zombies. C'est des gens, mais ils qui n'ont plus aucune volonté, plus aucun sentiment, plus d'émotion. C'est vraiment juste, ça devient des espèces de robots. Et ils sont, tu vois, ils n'ont plus de volonté propre. Et ils ne sont pas cruels. La force est cruelle. Voilà, merci. Allez, hop. Donc voilà, donc ça me faisait penser à sa finalité. Je te laisse continuer. Ouais, du coup, oui, voilà, il y avait eu les guerres mandaloriennes et tout. Les Jedi, eux, l'ordre Jedi, en fait, avait dit non, on participe pas à la guerre. Mais t'as des Jedi qui ont l'idée, enfin, dirigés par Revan, qui ont dit allez, qu'on y va parce qu'on veut protéger la République. Donc voilà, la punition c'était ça, c'était de découper la force. Ensuite, il y a un truc aussi qui était. Ouais. Ça me fait rire parce que Revan, c'est le mec le moins original de la Terre. Le mec qui s'appelle Revan, il devient un Sith et du coup il s'appelle Darth Revan. En fait, c'est pas son nom. C'est genre. Enfin ouais, en gros c'était, on va dire que c'est son pseudo, tu vois, de base. Moi je vais être Darth Stuxy. Genre en fait les Jedi qui ont été se battre dans les guerres mandaloriennes, ils ont pris le nom de revanchiste et du coup voilà, vu que c'était lui qui les dirigeait, il a eu ce pseudo-là. Mais bref, le truc c'est que ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que les personnages du côté obscur ont genre beaucoup plus de pouvoir que les personnages du côté lumineux et que c'est du coup totalement déséquilibré, c'est un truc qui est aussi très présent dans KOTOR 2, parce que genre déjà t'as un gars, un des Sith, qui est un des méchants du jeu. Le mec, c'est plus ou moins un zombie, tu vois, genre il tient juste grâce au côté obscur. Il dégage. Genre un peu comme Palpatine, quoi, dans l'épisode 9, j'ai envie de dire. Mais sur tout le corps, c'est pas que ses ongles. Ouais, c'est ça, il est complètement dégueulasse, le mec, c'est juste un cadavre qui marche. Mais surtout, il y a Darth Nihilus, qui est genre. Il est capable d'absorber la force sur des planètes entières. Et genre, il se nourrit de ça. Et c'est ça qui lui file du pouvoir. Non. Et juste, voilà, c'est juste complètement abusé, tu vois. Et en réaction à tout ça, t'as donc la Jedi Kreia qui rejoint les Sith, puis qui a été trahie par eux, qui se dit ok, en fait, la force, c'est de la merde, et qui décide d'essayer de mettre en place un grand plan pour réussir à détruire la force. Même pire que ça, elle n'a pas été que trahie par les Sith, elle s'est aussi fait expulser de chez les Jedi parce que sa Padawan a suivi Revan. Oui, c'est et ça. Donc, oui, comme ils ne peuvent pas la punir, elle, parce qu'elle est morte, ils punissent sa maître, donc Kreia. Ouais, non, vraiment, les Jedi. Donc elle dit les Jedi, c'est de la merde, les Sith, c'est de la merde. Ouais, mais du coup, au final, perso, j'ai envie de dire, genre, ok, mais est-ce qu'elle a pas raison, en fait, de vouloir se débarrasser de la force? Genre, sur le coup, quand tu le fais, bah ouais, c'est sûr, ça va blesser plein de monde, parce que tous les gens qui sont liés à la force, ils vont en souffrir et tout, mais genre, ouais. Du coup, le seul truc, au final, qui te fait dire que c'est pas forcément une bonne idée, c'est justement quand on te montre Malachor 5, qui est effectivement une planète qui a été coupée de la force, et où il n'y a plus de vie du tout, quoi. Ouais. Et puis après, Kreia aussi, elle le fait pas de manière totalement désintéressée parce qu'elle trouve que c'est dommage que la force s'insinue dans la vie des gens. Ça, elle a quand même une volonté de domination et elle, c'est aussi un moyen d'éliminer la concurrence. Attends. Ouais, bon. Mm-hmm. Ouais, mais elle perdra tout son pouvoir une fois qu'elle a détruit la force. Bah après, c'est vrai que moi, je suis pas. C'est vrai que c'est. J'ai pas tous les détails du plan. Donc, non, mais du coup. Ça en fait quand même quelqu'un de plus désintéressé que la force, justement, parce que la force, elle essaye tout le temps d'avoir son équilibre, machin truc, et elle s'en fiche de ce qui se met en travers de son. Disons qu'elle est compliquée parce qu'elle a aussi quand même un dédain pour tous les gens qui n'ont pas la force. Elle a quand même ce côté un peu magnéto de voilà, de dire nous, on est un peu des êtres supérieurs, donc voilà. À mon avis, c'est le côté obscur, ça protège pas contre les contradictions. Super. Mais ouais. Et puis moi dans les autres persos, disons intéressants, enfin voilà. J'en avais listé plein, mais on va pas y passer des heures. C'était le personnage, même si je sais Grushkov, on a le droit de pas aimer les jeux, de Starkiller, qui pour moi incarne vraiment à l'époque, parce que maintenant ça existe plus, c'est légende, ce personnage qui est vraiment manipulé et qui se fait vraiment qui a une vie absolument terrible, voilà, qui déjà se fait alors déjà au tout début, je suis plus tout à fait sûr, le maître, son maître, c'est son père. C'est son père, oui, voilà. Okay. C'est son daron, donc, ouais, c'est son daron. Qui se fait tuer par Dark Vador, puis ensuite, ouais. Voilà, il est entraîné par Dark Vador, mais l'entraînement, c'est constamment essayer de le tuer, donc pas terrible. Et puis, à la fin, Dark Vador, plutôt que d'avouer qu'il a essayé de se débarrasser de l'empereur, il préfère tout blâmer sur son padawan et le balance dans l'espace. Ouais, c'est vrai. Ce qui finalement et aussi se fait à la fin pense prendre sa revanche en aidant à créer la rébellion, mais en fait c'est une manipulation de l'empereur qui essaye de savoir qui sont exactement ses ennemis. Donc voilà, le mec qui se fait vraiment manipuler de bout en bout, mais c'est vrai, il a raison, Nalzeb. Son meilleur pote, c'est un robot qui essaye de le buter tout le temps. Ouais, non, pas ouf, voilà. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Est-ce qu'il faut regarder alors là, je parle à l'époque parce qu'on sait que ça n'existe plus maintenant, mais est-ce qu'il faut regarder les conséquences de ce qui arrive sur la vie de Starkiller, qui a, pour le coup, c'est clairement négatif, parce qu'il meurt à la fin, en plus. Ou alors, est-ce qu'il faut regarder sur l'échelle plus grande, qui est la création de la rébellion? Et donc, ouais, c'est toute la question de... Pardon ? Non, ça dépend de l'échelle que tu prends. Voilà. Qu'est-ce qui importe le plus, en fait, voilà. Et puis même, aussi, c'est la question. Est-ce que ça valait la peine de créer toute cette souffrance, d'arriver à la rébellion? Parce que finalement, même créer la rébellion, même ça, on peut regarder à l'échelle plus grande, parce que la rébellion, finalement, au bout d'un moment, elle échoue. Et il y a le premier ordre qui arrive après. Donc, voilà, en fait, c'est un peu la limite. C'est un peu la limite de cette réflexion en disant, ben, il n'y a qu'à regarder, à l'échelle supérieure. C'est qu'en fait, on peut toujours agrandir l'échelle et voir que finalement, c'était pas si terrible que ça. D'ailleurs, Ouais. Non, mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que la nouvelle version de la création de la... Enfin, pas de la création... Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'était plutôt par rapport à Kel-Katarn, mais... Dans Rogue One, ils suivent tous la volonté de la Force et ils meurent tous. Mm-hmm. Et ils ont tous eu des vies misérables. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai que on peut dresser le parallèle. Voilà, ils arrivent à aider la rébellion, mais le prix, c'est de mourir. Donc voilà. Ouais. Alors est-ce après, que la question, c'est de se coup. Ouais. Oui, est-ce que ça vaut le coup, voilà. Ouais. Et est-ce que finalement, c'est pas un peu quelque part un parallèle avec une sorte de cycle de la violence, en fait. Je veux dire, on crée de la souffrance en disant « Ouais, mais ça justifie parce que ça a amené quelque chose de bien. » Mais le fait d'avoir créé la souffrance, ben, ça fait que l'alimenter. Et finalement, ça s'arrête jamais. Il y a toujours plus de souffrance qui arrive après. Voilà. Est-ce que... Je sais qu'on a dit qu'on ne parlait pas de ça, mais est-ce que, en fait, c'est pas un problème de cliché d'écriture qui serait peut-être temps de renouveler un petit peu. Est-ce qu'on est obligé qu'un personnage souffre pour amener le bien ? Mais bien sûr, mais tout ça, ça vient de ce problème-là du monomythe américain, des trucs comme ça. Mais d'ailleurs, c'était pour ça que si ça avait été bien fait et s'ils avaient voulu vraiment rétablir l'équilibre dans le 9, Rey et Ben auraient dû refuser de se battre contre Palpatine et c'est lui, en voulant leur ôter la vie, qui se serait tué tout seul. Eh oui. Et là, ça aurait été un bel équilibre parce que, comme tu dis, il y a le cycle de la violence, ce qui fait que si quelqu'un ne s'arrête pas, ne décide pas d'arrêter la violence, elle va continuer sans arrêt. Et le déséquilibre de la force, il est comme ça, parce que si tu utilises la force pour arrêter le mal, ok, il va s'arrêter un certain temps, mais il va revenir parce qu'il y aura un déséquilibre du côté lumineux, etc. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça que si ils avaient... Et c'est pour ça qu'à la fin du 9, il n'y a toujours pas l'équilibre, parce que techniquement, ils ont tué Palpatine. C'est pas lui qui est mort par sa propre erreur, par l'amour, par l'espoir, peu importe. C'est Rey qui a renvoyé physiquement ses éclairs à lui. Donc elle l'a tué. Voilà. Tout à fait. Ouais. Et puis surtout, ce que je voulais dire pour conclure, c'était le pouvoir de la force, meilleur jeu. Voilà. Oui, Xenu. Je suis d'accord avec toi, Xenu. On se calme. Non, même pas meilleur jeu, mais voilà. Pas si mal. Non, la vraie conclusion, c'est que dans Star Wars, si tu veux vivre heureux, il ne faut pas avoir la force. Il faut être vivant caché de la force. Ça, c'est clair, ouais. Pour vivre heureux, vivant caché de la force. Ça, c'est ça. Justement, en fait, la force, elle peut communiquer avec n'importe quel être vivant dans cette galaxie. Techniquement, oui. Donc, elle choisit avec qui elle communique. C'est pour ça que c'est horrible, parce que c'est vraiment... C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, elle a une volonté propre. En lui donnant une intuition, et à coup, elle va laisser crever plein de monde en se vautrant sur un pilote qui se vaut. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est la force qui choisit à qui elle parle, parce que les gens, ils naissent avec l'aptitude, mais est-ce que c'est la force qui décide de qui a l'aptitude ou non ? Comment ils naissent avec l'aptitude ? Comment c'est venu ? Est-ce qu'il naît avec une aptitude ? Parce que c'est elle qui décide d'ouvrir telle ou telle vanne pour telle ou telle personne. Parce que, attendez, si elle décide vraiment de bout en bout, c'est vraiment une saloperie. Je suis désolé, mais si vraiment la force, elle était avec Chirrut dans Rogue One, Chirrut, oui. Il se serait barré avec Baze et ils seraient mariés tous les deux alors qu'il est, putain. Mais c'est exactement ça, Chirrut s'en branle complètement. Chirrut, il sert son truc. C'est tous les personnages de Rogue One. À l'instant où ils ont accompli la destinée que la Force voulait leur donner, ils meurent. Ouais. C'est peut-être l'exemple le plus parlant, justement. C'est ça. Il y a Bwix dans le chat qui nous demande si le petit personnage est voué à une vie tragique. Alors, je suis vraiment prêt à aller mêler John Favreau si vraiment il fait du mal à mon bébé, parce que ça va pas. Adrien, il est prêt à se jeter sous le train pour sauver le bébé. Non, mais vraiment, sans aucun problème, aucun souci. Le nez de Mandalorian. Pour revenir à une dimension plus... Attends, comme petit personnage qui a eu une vie heureuse, par contre... Il y a Babou Frick. C'est vraiment peut-être la seule consolation. Mais la force lui fout la paix. En fait, dès que la force te fout la paix, c'est bon. Ouais, ça va. Ouais. En fait, faut pas faire le malin. Un alien un peu chelou, ça va. Genre lui, en vrai, il y a plein d'aliens tout petits comme ça. La force est raciste alors. Non, mais vraiment, les Ewoks, ça va, ils s'en sortent plutôt bien. Il y a eu un gosse d'ailleurs. La force, ça s'en fout. Ouais, c'est ça en fait, t'as choisi. Elle est spéciste à fond en fait. Mais ouais, c'est vraiment ça le prix. Mais je travaille ça depuis le début, mais en fait, si on veut revenir à quelque chose de plus terre à terre, simplement, la force, elle est écrite comme n'importe quelle divinité terrestre, si on peut dire. Quoi. C'est, voilà, Dieu donne, Dieu reprend. Je l'avais utilisé pour teaser un petit peu l'épisode de soir. Voilà, Dieu a ses raisons, la force, elle a ses raisons également, et on ne peut pas les comprendre puisque c'est autre chose. Quoi. C'est une autre. D'ailleurs, comme tu disais, c'est une autre échelle, quelque part également. Ouais. Mais comme je disais, voilà, même cette lecture, je trouve qu'elle est un peu, comme, elle a ses limites aussi, parce que c'est quoi le plus grand bien ? À quand est-ce que tu t'arrêtes ? Parce que voilà, en fait, le plus grand bien, c'est le sien. Enfin, c'est même, ça se trouve, c'est même pas bien pour les êtres humains. Hein. Enfin, pour les êtres humains, les êtres vivants, pardon, de la galaxie, c'est peut-être dégueulasse en vrai, mais c'est ce qu'elle veut. Ouais. On n'est pas forcément en plus sur une entité bienveillante. Moi, on n'est pas, on n'a pas l'idée, c'est peut-être un dieu vengeur, ou je ne sais pas. Enfin, là-dessus, on n'a pas énormément d'infos, quoi. Ce que j'adorerais voir dans ce qu'ils vont créer dans Star Wars et tout, ce serait voir à quel moment le déséquilibre s'est créé. À quel moment il y avait un équilibre et il a été rompu. En fait, il n'y a jamais eu d'équilibre. Et en fait, exactement. C'est vrai, ça peut être comme l'univers, ça peut être infini et il n'y a jamais eu d'équilibre. Voilà. Donc c'est pour ça que je proposais la solution que c'est des gens qui se créent des problèmes eux-mêmes. Après... Dans l'écriture, et ça je pense que ça vient plus du monomythe, mais j'ai l'impression que moi tous les personnages influencés plus ou moins par la force dont on a parlé, ça tire son origine des tragédies grecques. On a des personnages manipulés ou qui subissent des interventions divines, voilà, de différentes divinités en l'occurrence, qui vont accomplir des actes héroïques, mais qui auront dans tous les cas une fin tragique. Ouais. C'est littéralement la définition de la tragédie grecque, hein. C'est, ouais. y a pas plus clair. C'est un personnage héroïque un personnage qui va faire des choses héroïques, qui va clamser à la fin, et entre-temps, les divinités seront intervenues. C'est Anakin, c'est Luke, enfin ça. Oui, oui, c'est. C'est déjà sûrement du monomythe, mais clairement, il y a pour moi cette lignée-là, quoi. C'est pour ça, en fait, les Skywalker, c'était censé être une lignée mythique qui avait des pouvoirs hors du commun, en fait. Mais le problème, c'est que c'était pas le cas, d'ailleurs, avec la trilogie originale, à la base. Ça, c'est arrivé avec la prélogie, qui était littéralement une tragédie, parce que le truc d'une tragédie, c'est que tu sais que ça va finir mal. Ah bah, l'épisode 3, rien que l'épisode 3 du tout seul, il est shakespearien à fond. Hein, c'est... Ouais, ouais. Le problème... On a pas moins bien écrit, quand même. Oui, wow. Pardon, plus au niveau de langage. Si le problème, c'est que la postlogie était pas marketée comme une tragédie, alors qu'au final, c'en est une. Ouais. Avec ton personnage principal qui finit seul, en fait, même si en vrai, il y a ses amis dans la galaxie, machin truc et tout. La dernière image de la postlogie, c'est un personnage seul dans un désert avec des fantômes. Avec deux fantômes et même pas celui qui était la moitié l'amour de sa vie, en fait. Ouais. Non, oui, je suis d'accord. C'est là, quand même. Ultra on en a déjà parlé, mais ça aurait été la seule manière d'éventuellement justifier ça. Ouais, mais du coup, oui, si tu vois ça comme une tragédie maintenant, ça a du sens. Même si, franchement, le 9, même si tu vois tout comme une tragédie, il y a des trucs qui sont tellement nazes dedans. Genre les parents de Rey, on va pas te lancer. Voilà quoi. Non, mais voilà, ça n'a aucun sens. Mais c'est voir tout ça comme une espèce de grande tragédie, c'est le truc le plus logique maintenant. En fait. Et puis quelle manière de terminer une saga mais pour enfants, quoi. Justement, une tragédie, c'est à cause des divinités, des êtres supérieurs aussi que ça arrive. Mm-hmm. Donc la force est intrinsèquement cruelle. C'est clair, triste. D'un point de vue d'être vivant, sentient. Ouais, mais au final, quel bien ça a apporté ? Ah bah ça, c'est à elle de nous le dire. Parce que c'est à cause de l'existence de la force qu'il y a eu l'empereur et tout. Qu'il y a eu les Sith, qu'il y a eu les Jedi, qu'il y a eu toutes les guerres liées à ça. Non, mais en plus, mais c'est... Enfin, c'est peut-être la bière, mais c'est peut-être moi aussi, mais... on dit l'équilibre, ok, mais quel bien ça a apporté. Mais du coup, en plus, ce bien, nous, on le fixe avec notre compas moral. Donc, oui. Faut pas tuer des gens, faut pas être un putain de faf. On met l'aiguille quelque part, nous, sur cette idée de bien apporté par l'équilibre de la force. Mais elle a son branle, la force. Ça en a à foutre. C'est ça qu'elle fait. Ça, ça en découle, mais c'est certainement pas ça qu'elle recherche, puisque à côté de ça, pour parvenir à cette fin, elle est prête à flinguer des centaines de millions de vies. Non, mais t'as raison. Donc elle n'a pas de compas moral à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'elle recherche vraiment, ça, on ne sait foutrement rien. Quoi. Ouais, pardon. Ok, est-ce que c'est juste sa fanfic géante? Ouais, c'est comme, en fait, c'est comme le bande douce, elle tu s'occupe. Vois. Vous m'avez... Elle s'occupe, en fait. C'est vous m'avez dérangé, du coup, maintenant, je me venge. c'est la mort. Non, on peut voir ça comme une divinité qui s'occupe, qui s'emmerde. Ouais. Je sais plus s'il y avait quelque chose d'équivalent justement dans les tragédies grecques ou dans la mythologie mais c'est... grecque. Ah, mais si, voilà. Si. Imaginer un dieu qui bouge des pions comme ça pour s'occuper, c'est tout à fait dans l'idée. Quoi. La mythologie gréco-romaine, c'est ça. En fait, la plupart des histoires qu'il y a et tout, c'est les dieux qui s'emmerdent. Du coup, t'en as qui vont coucher avec des mortels, t'en as qui vont déclencher avec des guerres, t'en as qui. Même vont... nordique, hein. Oui, est-ce que Shmi, elle n'aurait pas rencontré un cygne un jour? Sur Tatooine. Est-ce que ce serait pas... Elle est allée sous la pluie était jaune, c'était bizarre, elle est tombée enceinte. c'est pas moi, c'est Zeus. Ouais, Ulysse, c'est un peu ça, nous dit Nalzeb. Toutes les histoires comme ça, Andromède, tout. Persée, Thésée, ouais. Achille, tout ça, tous les... Oedipe, mais hein, tout, ouais, Oedipe quand même. Honnêtement, tu prends tous les héros grecs, tu leur fous un sabre laser dans les mains, t'as un Jedi. Hein. Bah ouais. T'as une histoire de Jedi. Tu remplaces après les épées par des blasters, tu remplaces les monstres éventuellement par des Sith ou par des bestioles. Oui, par des aliens. Enfin, je pensais plus à des créatures aliens, genre Rancor et compagnie, mais ouais, tu y es, quoi, c'est ça. Ouais. C'est pas compliqué de faire une fanfic Star Wars. Hein. Tu reprends l'Odyssée ou. Je sais pas, machin avec la méduse, c'était comment il s'appelle Percé ? Je sais plus. Ouais. Ouais, c'est vite fait quoi. c'est con à dire, mais c'est vite fait. Voilà. Donc voilà, c'est peut-être une des conclusions, il serait peut-être temps de renouveler un peu les schémas narratifs. Et tout ça nous ramène à Solo, et qui finalement est un très bon film, puisque Y a Force n'est pas là. Ou en tout cas, à petite dose. Et du coup, c'est rafraîchissant de ne pas avoir un truc comme ça qui est un peu sur un rail, en fait, parce que finalement, c'est cool Star Wars, hein, je vais pas dire l'inverse, mais on a vraiment l'impression que tout est sur un rail, comme ça, qui suit un peu se dérouler. Ta résistance force. Aussi. Au début, c'est rafraîchissant. Oui, surtout le train qui est sur un rail. Ouais. T'as la série... Vous êtes en train de partir en cacahuète, ouais. Là. T'as la série résistance aussi, qui a pas la force, et c'est super sympa de... Bah, dans résistance. Effectivement. Ah, oui. Voilà. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais c'est un schéma, ouais, c'est un schéma qui mérite clairement de s'arrêter, je pense. On a fini avec cette. C'est bon, ça fait 2000 ans qu'on écrit la même histoire. Voilà. Parce que, on n'en est pas là, mais ce que j'espère, c'est que vraiment que les prochains Star Wars ne seront pas écrits sur le thème du monomythe, quoi, sur l'idée, le concept du monomythe, qu'on passe à autre chose. Parce que là, je pense qu'on sera toujours là, mais en fait, tu peux tellement le modifier comme tu veux que tu peux avoir des trucs hyper original avec. Moi, ouais, faut pas l'appliquer aussi littéralement qu'actuellement, quoi. Parce que tu regardes The Last Jedi, c'est clairement monomythe, mais bien fait. Tu vois. Attention, quand Tuki parlait du monomythe tout à l'heure, Tuki parlait pas du monomythe de Campbell et tout. Il parlait de la version modifiée américaine. Oui, la version américaine est dégueulasse. Enfin, il y a la version. Parce que tous les Star Wars sont sur le monomythe campbellien. Ouais, qui en fait, Campbell, il a fait des études de tous les types d'histoires, donc les tragédies grecques, les trucs comme ça, toutes les histoires qui ont été créées, et il en a déduit un espèce de schéma, un espèce de cycle. Le pattern, quoi. Voilà. Et en fait, c'est là où. c'est là où Tross clash avec le reste, c'est que Tross ne continue pas le monomythe, ne continue pas les deux autres films et les huit autres films. Tross est basé sur le monomythe américain, qui, en fait, le monomythe américain, c'est. Le mec qui se sacrifie pour sa patrie. C'est le sacrifice pour sauver les autres. C'est le monomythe américain, c'est juste le gros problème qu'a l'Amérique, enfin les États-Unis, c'est et la peine de mort. Le soldat, voilà, la peine de mort et le soldat qui se sacrifie pour sauver. Le sacrifice, la mort, c'est le truc le plus noble qui puisse être là. Et c'est pour ça que ça ne va pas du tout. C'est pour ça que ça marche absolument pas. Mauvais comme concept. Pendant 8 films, on te sert de la mayonnaise et puis d'un coup, on te ramène de l'algérienne. Ça n'a pas de sens. Alors, j'aime bien l'algérienne, hein, c'est pas la question. C'est juste c'est pas la même chose. J'ai remplacé la moutarde par de la pisse, ça vous va? Ok, je on va s'arrêter. Le chef. On va s'arrêter. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou ça va? Non, je pense qu'on a bien conclu. Franchement, je crois que j'ai dit tous les trucs les plus intelligents. On a bien conclu en parlant de pisse. Ça va, ça va. Merci. Quel enfer. Ok. Moi, je crois qu'on pourrait conclure parce qu'avait dit Nalzem un peu plus tôt. Qui m'a fait quand même beaucoup rire. Calcastis. Il disait que si, voilà, désolé, il va douiller Calcastis dans Fallen Order 2 si on suit cette logique, n'empêche. On lui souhaite beaucoup de courage. Cal, il risque de s'en sortir, mais malheureusement, je pense que. Serré va mourir. Serré va mourir, mais tant pis pour elle, ça lui apprendra aussi. Mais moi, j'aime bien Serré. On n'a pas parlé de Trilla aussi. Oui, on n'a pas parlé de Trilla, j'y ai pensé un moment. Comment Trilla, la c'est force pareil. L'a bien enfoncé. Enfin, bref. Comment elle compris. S'appelle La meilleure. Mais lui, c'est proche, on prend cher, c'est sûr. Mérine, R.I.P. in peace. Hein, ouais. Je pense que, non, pense que non, c'est Mérine, foutu maintenant. Ils vont faire un bébé. Ouais, justement. très bien. Et si la meilleure façon d'être heureux dans l'univers Star Wars, c'était d'être un droïde? Ben clairement, c'est alors à part C3PO, c'est tous des anars. et à part L3, ils ont tous une vie longue et intéressante. Ils sont aussi juste pas en vie en fait. Et C3PO, il est immortel aussi, faut pas l'oublier ça quand même. De quoi qui ça? C3PO, il dit quand même au revoir à tout le monde. Oui, et il est là, 3 minutes après, tout va bien. Il a toutes les connaissances des titres. Est-ce que la meilleure façon de vivre bien, ce serait pas d'être une tondeuse à gazon? Au final, est-ce que le meilleur moyen d'être en vie dans Star Wars, ce serait pas d'être Dominique Monaghan et de juste ne servir à rien? Ou Babou Frick. Shots fired. Maintenant, entre avec ces 3 PO immortels qui a toutes les connaissances des sites, je pense qu'on a le méchant tout tracé pour la prochaine désolé, trilogie. Désolé, celui qui a toutes les connaissances des sites, justement, c'est Monaghan. Il a lu des livres, attention. Ah oui, c'est vrai qu'il a lu des livres. Je pense que le personnage un homme. Qui de toute Rose qui finit le mieux, ça reste quand même le personnage de Matt Smith. Oui, c'est vrai. Parce qu'il ne commence pas. Et ouais, c'était comme ça. Très bien. Alors, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment, sur Facebook, sur Twitter, @FauconPod, comme d'habitude. Sur le site qui est toujours pas mis à jour parce que Matt, c'est un gros branleur. J'étais en vacances. Ouais. Et puis j'ai des problèmes avec le code, mais je qui est fauconpod.fr. Venez jouer à Racer avec nous. Ouais, il y a Xavier qui est en train d'organiser un concours de Racer. Donc retrouvez-nous sur le Discord de. Discord. Allez, salut. Never get old. Le faucon millénial, on mettra le lien dans la description. Et donc ouais, on fait des courses sur, on fait des petits concours. Tuki sur a une conclusion. Mais c'est rigolo. Tuki a la conclusion. T'as dit tout ce que t'avais à dire. Oui, vas-y. Ok. Regardez Rebels et que la force vous foute la paix. Et à bientôt. Salut. Très bien. Bisous. Allez, au revoir tout le monde. Bye.